des stars. Là où tout commence. Effectivement, c'est là où tout commence hein, ce soir. Dans cette émission à la maison, émission même de vacances, hein, on peut le dire. Teddy, comment vas-tu? Oh bah écoute, Teddy arrive, il débarque. Je viens d'arriver, donc ouais, bah je vais bien, ouais. Bah oui, parce que tu as été chercher, on le disait pendant le top horaire tout à l'heure, hein, si vous venez d'arriver, vous venez de l'entendre, mais tu as été chercher des demoiselles qui sont avec nous ce soir. Je fais souvent ça dans ma vie, je vais chercher des. Je vais chercher des demoiselles. Ouais, c'est la séduction du boulanger, ça. Non, ça c'est la séduction comme ça. Dans la rue, tu vois. Tu sors dehors. Tu découvres le monde, tu vois des filles, tu y vas. Mais, c'est comme ça qu'on va chercher nos animatrices radio. Exactement. On se balade simplement dans la. Tu sais, tu connais la. Tu traverses la rue et puis tu trouves des demoiselles. Ah oui, c'est comment ça s'appelle? Macron, ça. Ah ouais, c'est à la base, c'est pas le... c'était pas exactement voilà, c'est ça, mais oui. Ouais, non, mais il a adapté méthode mais, boulanger. Hein. Dans tous les cas, alors si vous le saviez pas encore, je suis boulanger. Ah bon? Non, ah vous. T'as besoin de ça. Petite hésitation. Non, puis les demoiselles, si elles le savent pas, si quelqu'un arrive en disant je suis boulanger, je m'appelle Teddy. Ouais. À mon avis. Bah c'est vrai que si vous êtes fidèle de cette émission, vous savez que Teddy est boulanger. Vous savez aussi que le lundi soir, alors c'est pas forcément le lundi soir pendant les vacances, mais on se retrouve pour faire de la radio sur Indestar. Et alors là, ce soir, on a décidé de jouer. On a décidé de jouer. Mais vous entendez cette petite musique? Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est la musique du quiz que tu nous as mis directement. C'est la musique de quiz parce que ce soir, ça va se battre. Ce soir, on va y aller, on va taper dedans. Il va y avoir du quiz, il va y avoir du jeu, il va y avoir des blind tests aussi. Ouais. Voilà, tout ce qui a trait au jeu. Et pourquoi ce thème? Pourquoi cette thématique, Teddy? Parce qu'il se trouve que j'ai une collègue. Oui. Tu vois, je suis. Non, mais explique-nous le concept, hein, explique-nous. Comment dire, le concept. On va être deux équipes de 3. D'accord, ah oui, il va y avoir deux équipes ce soir. Deux équipes de 3, vu qu'on est 6. Ouais. Et trio. On s'est compté. Ouais. On a de la chance d'être un nombre pair. Non, il y aurait eu un arbitre. Je m'en fous, j'aurais triché comme ça. Chacun notre tour, on va poser les quiz à l'équipe adverse. Mmh. Genre, par exemple, moi, je pose l'équipe. Je pose à Daniel, Kevin et Théo mon quiz. D'accord. Vous allez répondre en commun, vous allez débattre un petit peu, voilà, et vous allez choisir une des 3 propositions que je vous propose. Oui. Puis bah si vous gagnez, vous avez un point, hein, et puis voilà, on va... D'accord, donc en fait l'idée c'est qu'à la fin de la soirée, l'équipe qui remporte le plus de points gagne la voiture qu'il y a dehors. Alors la voiture c'est une 200... Non, ils en veulent pas, ils ont dit qu'elle était moche. Pas la mienne. Qui a dit que la voiture était moche? Ça, non, c'est pas possible. Pas. Non, on gagne le petit livre qui est là-bas. Ah ouais, d'accord. Eh ben, la joie de vivre. La joie de vivre. C'est génial. Non, on doit avoir des alors le livre a pas été choisi au hasard parce qu'il est tout petit et puis comme on a pas beaucoup de poches, c'était pour le mettre dans la poche. Et comme on est 3, c'est livre de un livre, c'est marrant. Voilà. Bon. Et alors donc ce soir, parce que cette émission a été suggérée, je crois. Ouais, plus ou moins. On s'est mis en commun pour la décider. Mais... D'accord. Ouais. Quoi? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, vous venez d'entendre quelque chose. Quelque chose. Vous avez entendu un son. Moi, j'y ai le droit quasiment tous les jours en ce moment. C'est Eugénie. Eugénie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Eugénie, c'est la stressée, première fois que tu fais de la radio, Eugénie. Oui. Ouais, toute première fois. Et alors? Et alors? Ça m'a l'air pas mal. Ça va? Ça va pour l'instant? Ça va. Bon. On a bien commencé, on a bien mis à l'aise. Ça commence très mal. Et alors à côté de toi, Eugénie? Bonjour, Audrey. Audrey, ouais. Nous avons aussi avec nous ce soir. Donc Audrey et Eugénie, c'est ta première fois aussi, Audrey, à la radio. Voilà. Bon, c'est impressionnant, non? Ça oui, va. C'est impressionnant, ouais. Petite particularité d'Audrey. Tu es vendeuse en boulangerie. Yes. J'aime bien. Bah, que fait Eugénie? J'ai pas tout suivi. Eugénie, elle est vendeuse en boulangerie. Ah oui, mais c'est ok. On est d'accord. Donc, pour changer. Ouais. Alors, elle fait pas que ça, parce qu'on travaille tous les deux dans un intermarché. Oui. Voilà. Et donc, on peut être amené à faire d'autres choses. On n'est pas obligé de préciser, le gars. Ouais, vous êtes multi. Comment? Multitâche. Ouais, ouais, on est des couteaux suisses. Donc, il y a la team boulanger ce soir. Ouais. En tout cas, autour du secteur de la boulangerie. Et puis, il y a les autres. Tu sais quoi? Ça me plaît bien, ça. On va faire la team boulangerie contre les autres. Non, attends. Comment ça? J'ai vu, mais à 3 km déjà tout à l'heure, t'as dit. Par exemple, vous, Daniel, Kevin et Théo. Peut-être que j'ai triché. Peut-être qu'on pourrait faire un tirage au sort aussi. Ça m'étonnerait. Un tirage au sort. Voilà. À bras levé, qui veut faire un tirage au sort? Voilà, tout le monde. C'est de la radio. Alors, ils sont que 2 sur 6 à avoir levé le bras. Je m'en fous complètement. Bon, bah d'accord. Ils sont en. Bon, on fera pas de tirage au sort. Ça veut dire oui, ça. Mais alors, qui y a-t-il dans l'autre équipe? Non, mais c'est vrai que ça serait marrant le tirage au sort. Bah voilà. Deux équipes. C'est trop tard, t'as pas le même. Il y aura Daniel, Kevin et Théo contre Teddy, Audrey et Eugénie. D'accord. On va les bouffer, on va les défoncer. C'est simple que ça. Bon, bah, pour un boulanger, vouloir bouffer, c'est le comble. C'est pas faux. Donc, comme vous l'avez compris, ça va être quiz, mais avant ça, on va parler de nos journées. Quiz de quoi? Parce que. Alors, quiz thème personnel, on va dire. Comment ça Genre, par exemple, je sais que le quiz de Kevin, c'est foot. Parce que si tu m'avais... Parce qu'il aime le foot. D'accord, mais si tu m'avais dit... Alors ça va, je suis dans son équipe, donc ça, me... ça m'arrange. Moi qui suis pas du tout foot, ça m'arrange. Bah moi non plus. Mais c'est vrai que si tu me l'avais dit avant... Peut-être que j'aurais fait exprès voiture. Faire des... Ouais, par ouais mais c'est pour ça que je t'avais dit de pas le faire. Tu... D'accord. J'ai triché. Parce que moi, début, je vous ai fait un truc gentil. Moi, je vous ai fait un blind test musical. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ouais, non. Non, sauf à Teddy. Non, ça je suis pas d'accord. À tout le monde, notamment tous ceux qui font de la radio, sauf Teddy. Oui. Ouais, c'est un parce peu que, ça. Là, je suis boulanger, mais pas musique. Musicologue, ouais. T'es pas musicologue. Ouais, je suis pas musicologue. C'est un boulanger qui a pas fait ses gammes. Non, exactement. Voilà. Je fais que mes games de pro. Tu voulais parler de notre week-end. Week-end, j'imagine oui. Que t'as passé à travailler, Teddy. Oui, sans surprise. C'est dur sur 7, 24 heures sur 24, Teddy le boulanger est aux manœuvres. T'avais du pain sur la planche alors. J'ai toujours du pain sur la planche. Eugénie aussi était avec moi. Tout à fait. On a travaillé ensemble dimanche matin. Ouais, c'était dur. C'était sympa. C'était dur. Ah, c'était dur. La tête d'Eugénie le matin. Arrête. Là, vous l'avez pas. T'as une photo? T'as des photos? Non. Oh, zut. Faut pas tout révéler pour le moment. Non. Mais sans un peu de suspense sur la suite de l'émission. Mais bon, c'est assez magique. Oui, mais c'était le week-end. Il parle du week-end. Alors j'aimerais savoir. Non, mais Eugénie, le dimanche matin. Mais alors le samedi, par exemple, il y avait personne à la. Tu fais pas la même tête le samedi matin? Alors samedi matin, je. Tu dormais, fais pas la même tête? Mais samedi ah bah oui, après-midi, tu faisais pas la même tête forcément. Oui. D'accord, ok. Forcément. Ah oui, c'est des fois le matin, des fois l'après-midi. Oui, tout à fait. Et t'as fait autre chose à part travailler ce week-end? Et alors la question, t'es du matin ou de l'après-midi? Alors moi, je préfère l'après-midi. Bah, vu la tête qu'elle fait le matin, forcément. Ce matin, j'ai vu des zombies. Alors vous arrivez à quelle heure? Parce que le magasin ouvre quand même quoi, à 8h, quelque chose comme en, ça, 8h30. En même temps que Teddy? Ouais. 8h30. Teddy arrive à 5h. Ouais. Il est vendeuse à 6h. D'accord. Ça et va. De 6h jusqu'à 8h30, il se passe quoi? Tu mets en rayon? Oh bah, je fais rien, je fais la sieste. À un moment, j'y ai cru quand. Non, j'imagine ouais, qu'il y a toute la mise en rayon. Ah bah, il y a toute la mise en rayon, ouais. Des viennoiseries, des pâtisseries, du pain, ouais. Trancher le pain. Et alors, on se pose une baguette là. On se pose une question là tous ici, parce que Teddy nous amène jamais de pain. Il est bon le pain qu'il fait? Moi aussi. Il est très bon. Et ah zut, tu croyais qu'il allait se faire descendre? Il c'est touche au divin, tu vois. Moi, je peux pas dire ça parce que des fois, il me téléphone ou il passe devant chez moi et il m'apporte une baguette. Donc, non, mais j'ai cette chance. Je fais les heures de pain. J'avoue. Elle est magique, là? Non, elle est pas magique, la baguette. Elle est pas magique, mais elle est bonne. Donc, elle est gratuite. Qu'elle a forcément bon goût. Ça, c'est peut-être pour être bien vu, le coup de la baguette. Ah bah peut-être. Hein. Après, mais je dis pas non, moi, de toute façon. Moi, j'accepte tout. Surtout, je sais où est-ce qu'il habite. Ouais, t'aimes bien te mener à la baguette? Alors bah écoute, si elle est traditionnelle, ça va. Bon, et Audrey, alors, donc toi, tu travailles aussi dans la même grande surface que... Non, non moi, c'est une vraie... Renégade. Ah, dans une boutique, ouais. Voilà, ok. Ouais. Et donc, par contre, tu fais la même chose. Oui, je vends, moi, je suis vendeuse. D'accord. J'installe aussi. Et t'arrives aussi à 6h? Non. Non. Oh oui, toi, c'est pour dormir, c'est pas la peine. La boulangerie, elle ouvre à 11h. Le plus tôt que je viens, c'est 6h45. D'accord. Après, je suis là toute la semaine, du mercredi au dimanche, toute la journée. Donc, Mercredi au dimanche? Ah oui, ça veut dire que t'as ton lundi-mardi en week-end. Ouais, ah, c'est pratique ça. Ouais. T'as un copain? Non. Bon, bah attends, oui, parce que sinon, j'aurai pas de chance. Ouais. C'est quand t'as un horaire décalé comme ça, en journée décalée, c'est pas forcément voilà. Évident de gérer. Ou alors, faut le boulanger de la boulangerie autrement. A fait une soirée le dimanche et elle a 2 jours pour se remettre de la soirée. Tu vois. Ouais, mais par contre, t'arrives à la soirée, t'es un peu crevé quoi, parce que t'as fait ta journée, t'as commencé à 6h du matin. Mais on s'en fout, t'as le temps de te reposer après. Ouais. Mais après, c'est pas tous les jours que je commence à 6h non plus. Donc... Ah oui, il y a des jours. 45, ça, 45 elle a dit. Oui, 6h45. Ouais, ouais. Ouais. Tout à fait. Et donc, t'as fait quelque chose de ton week-end à part travailler? Non. Non. Ouais, non. Vous habitez en ville, à la campagne, les filles? Alors, ça peut être la semi-ville. C'est ça? Non, mais c'est les deux. D'accord, les deux. C'est les deux. Ah, t'as deux chez toi. C'est une ville campagnarde. C'est, cool, ça. C'est ça. Comme ça, tu choisis en fait où tu vas dormir, voilà. À la ville ou à la campagne. Tout à fait. D'accord. Je suis à la fois à la campagne et à la fois à la ville. D'accord, très bien. Selon les inspirations. Ça s'appelle un centre-bourg, ça. Non. Non. Non, t'as raté là. Non, parce que moi je suis effectivement. Bon, je suis à la ville dans pas la campagne. Et toi Audrey Bah moi je suis en campagne, enfin centre-bourg. Ouais. Ah oui, centre-bourg, ouais. Mmh. Comme moi, proche tout commerce, il y a un tabac. Ah, c'est tout commerce. T'as une boulangerie? Non, ouais. C'est vrai que j'ai une boulangerie pas très loin. Ouais. Oui. Oh, on critique pas les boulangeries. Ouais. On n'oublie pas les boulangeries. Non, mais bon, quand tu dis proche tout commerce dans un village de 1000 habitants, tu c'est t'attends pas non plus. Ah, c'est épicerie en plus à l'époque. Hein. C'est vrai, ça fait. Ouais, ça fait beaucoup de temps qu'on a arrêté. Épicerie, c'est-à-dire. Ça vendait, je sais pas, d'autres trucs, genre des œufs, de la bouffe, un peu de tout. Ah oui, maintenant je crois que ça vaut. Des boîtes de conserve et tout ça. Par contre, ça fait pâtisserie aussi quand même. Ah bah oui, parce que c'est... ça c'est... Oui, effectivement, une boulangerie... Bah non, mais ça pourrait vendre que du pain. Non, non. Ça s'est jamais vu. Bon. Et parce que tu sais que par exemple, dans les boucheries, t'as les boucheries charcuteries. Ouais. Et bah il faut quand même aussi de la charcuterie. Ouais, de mais il peut y avoir que boucherie. Ouais, mais non. Il y a écrit que boucherie, mais il faut aussi charcuterie. Si tu vois pas de pâté dans une boucherie, c'est... Ah oui, ouais, maintenant, oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils savent pas faire. Ouais. Mais c'est pareil, les boulangeries, peut-être qu'à l'époque, il y avait que boulangerie et que pâtisserie, ouais. Mais maintenant... Dans son ancien temps, par contre, t'as l'inverse. T'as que pâtisserie, ça, ouais. Ça existe dans mais les grosses villes. Oui, pas, ouais. Pas à la campagne, ouais. Parce que si tu... Alors que dans la campagne, tout est réuni en un seul truc. Bah parce que... La station essence, la boulangerie, le... La pâtisserie, le bureau de tabac. Exactement. Je vous mets deux le croissants. Le médecin, et... l'infirmière. Exact. Ouais, hein? Mais c'est ça. Hein. Mais... À la pharmacie, t'arrives, tu prends ton médoc, c'est quoi, un éclair au chocolat aujourd'hui? Un éclair au chocolat et un peu de sans-plomb 95 avec, s'il vous plaît, madame. Bon, vous avez compris le principe de la soirée. Évidemment, on est là pour se marrer, mais on est là pour s'affronter aussi. Ouais. On va prendre Ouais, il n'y a plus d'amitié. À partir de maintenant, on a parlé des filles, c'était très sympa de vous connaître. Mais maintenant, il n'y a plus d'amitié. Et maintenant, on frappe. Maintenant, on frappe. Virtuellement, évidemment. Hein, on n'est pas, ah bon, on est pas des méchants. C'est marrant. On va écouter une reprise d'Ed Sheeran avec South of the Border. C'est repris par comment ? J'arrête d'aller. Maintenant sur Indestar. Et après, on commence à jouer. On prépare les feuilles, les stylos. Et c'est parti sur Indestar. Les notes glissent avec aisance, ornées de subtiles nuances. Indestar. Là où tout commence sur Indestar à 20h18. Alors presque, oui, parce que nous allons ce soir jouer tous ensemble pour ce début de semaine. On a deux équipes. Il y a Eugénie, il y a Audrey qui sont avec nous ce soir. Et puis il y a aussi évidemment Teddy. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est l'équipe des boulangers. Ouais. Ouais, on va vous défoncer. Qui ce soir va affronter l'équipe des gagnants, tout simplement, ouais. Parce que nous on annonce la couleur. Alors pour gagner, pour avoir le droit de s'appeler les gagnants, faudrait gagner déjà. Ouais, ça. Mais c'est déjà fait. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des jeunes parmi vous. Alors l'année dernière, on a gagné. T'étais pas là. Mais là, comme t'es là, ça sera encore du coup, plus simple. On remet notre titre en jeu. On rappelle qu'il y a un lot à gagner. On sait pas encore ce qu'on va mettre en jeu. Mais... Moi j'ai confiance. Audrey, elle s'y connaît en foot. D'accord. Ouais. Tant que c'est pas un lot comme au Choloukoum, ça va. Ah oui, dans ce Choloukoum, on gagnait une claque. Hein. Rappelez-vous si vous avez suivi. Mais donc ce soir, ouais, l'équipe des gagnants qui est composée de Daniel, de Kevin et de Théo. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, on pourrait aussi l'appeler l'équipe des mâles contre l'équipe des femelles. Ça ne me gêne pas du tout. Non, parce que si vous écoutez régulièrement, il faut savoir que quand on fait des improvisations. Teddy je peut faire la fille. Voilà. Ouais, j'ai une belle voix de fille. Voilà, il peut faire facilement la femme. Et même en soirée, il se déguise en femme assez facilement. J'ai pas fait exprès. Suffit de lui demander. J'avais seulement un soutien. D'ailleurs, il nous a fait Audrey l'autre jour. Hein, Eugénie a vu là. Les photos ? Non, j'ai eu l'anecdote. T'as vu l'anecdote ? J'ai eu l'anecdote. Parce que les photos, je les ai pas encore. La photo de toi en soutien-gorge ? Ouais, il y a de ça qui traîne. Tu aimes bien les partager, ces photos-là, même sur Facebook. Ouais, j'avoue. Si vous venez d'arriver, vous venez de comprendre le principe. Il y a deux équipes ce soir et tout au long de la soirée, on va faire des jeux, on va faire des quiz. Et bah, l'idée, c'est de marquer le plus de points possible, forcément, pour les deux équipes. Et il y aura une équipe qui va remporter le trophée à la fin. Voilà. Est-ce que ce sera l'équipe des boulangers ou l'équipe des gagnants ? Bon, quelle question, ça paraît évident. C'est vrai que ça paraît évident, mais... La boulangerie. Soyons, je veux dire, voilà, soyons corrects, ne nous avançons pas pour le moment. Tant qu'on n'a pas remporté notre... Ça serait le 15ème hein, je crois que c'est le 15ème. C'est le 18ème. Ah, c'est le 18ème. Oh, oui, t'as raison. On gagne tous les ans depuis 18 ans. Kevin n'était pas encore né, il gagnait déjà. Hein, si, mais j'étais trop jeune. C'est vrai que t'étais trop jeune pour jouer. Bon, en tous les cas, on va commencer par un jeu de Daniel. Donc, ça veut dire que Daniel, tu vas pas pouvoir jouer. Oh. Bah, même toute votre équipe ne va pas jouer. Ah non, ça va être vous. Ah, d'accord. Ouais, y a que nous qui, on est d'accord qu'on a autant de jeux d'un côté que de l'autre. On a trois quiz, trois quiz. D'accord. Ouais, alors donc on est d'accord c'est aussi que vous débattez, mais nous aussi on a le droit de débattre. Hein. C'est pas faux, mais vu que c'est vous qui posez les questions, vous avez pas trop manière à débattre. Là, bah, si. On ne joue pas. Si. Débattez si on vous peut... voulez, mais on non, mais, a rien à foutre. Tu verras. Alors, d'accord. On va commencer par les Jeux Olympiques. Non ? Tu je voulais poser une question parce que j'ai les Jeux Olympiques. Aurais-tu un ou problème avec les Jeux Olympiques ? C'est quoi l'X Games ? C'est les sports extrêmes. Ah ouais, c'est très extrême. Ah ouais, bah pareil. Ah non, c'est sport extrême ? Ouais. Ah. Non, l'X Games. Sport extrême ou Jeux Olympiques ? Ah, on a le choix. Audrey, je crois que c'est toi qui vas choisir. Hein, parce que... Sachant que de toute façon, vous aurez l'autre quiz dans la suite de l'émission. Ah oui. En fait, peut-être, non. On sait pas. Ah oui, non, pas sinon, il n'y aurait pas le même nom. Ah bah oui, sinon, ça va faire 4 ans. D'accord. Il est mauvais, toi. Oh là là. Moi, je savais pas tout percuter encore. Alors. Non, bon, ils ont pas le temps. C'est Jeux Olympiques, c'est l'actualité, donc c'est Jeux Olympiques. C'est, voilà, voilà, c'est ce qu'on voulait. Allez, c'est décidé. Voilà. Et ouais, vous avez remarqué qu'on est quand même, on est quand même bon joueur hein, parce qu'on vous donne le choix du sujet. Ouais, ouais. Je sais pas si vous nous avez réservé ça aussi. Bah, entre sport, sport et sport. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je dirais qu'on a sport. Quoi. Et j'ai dit trois fois sport parce que Kevin aussi c'est sport pour le coup. C'est pas faux. Ouais. Bah oui. Okay. Alors, Daniel. Ah, c'est faut que je pose la première question déjà. Ouais. Oui. Allez, vas-y. Ah, c'est mieux. Bon, je commence par quelque chose de très simple. En quelle année ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, évidemment? Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques d'Athènes. Alors, avant, c'est ça. Quels sont les trois choix de réponse? Ouais, c'est bien ça. Bah, la réponse A, la réponse B et la réponse C. Ah non, il y a même Daniel. Pas de proposition. C'est sérieux, il y a pas de proposition. Alors, 1886, 1896 ou 1906? Attends. Moi, je pense la C. 1906, c'est la plus vieille, la C, non? Oui, à peu près, ouais. Ouais. Ah, dit, 1886, 1896 ou 1906? Ouais, c'est 1906. Ah non, 1906, ouais. C'est la plus récente des trois dates. Et tu penses toi, Audrey, que ça avait fait avant? Ouais, la B, moi je dis. Mais genre, arrête. J'ai cru qu'elle répondait. Les trois propositions décrites sur l'arbre. Non, non, bah c'est pour pas se tromper, hein. Oui, c'est ça. Alors, vous débattez ensemble. Les JO, c'est tous les 4 ans, on est d'accord? Oui, ah, non, sauf cette année, évidemment. Tu vas pas nous compter depuis 2021? Ah. Bah non, c'est pas 2021, sinon ça serait... Non, c'est 2020 là en ce moment. Mais ouais. Gros chèque. Toi, tu dis la B? C'est quoi la B? 1896? Je sais pas. Non, mais c'est pas sûr, c'est vieux. Hein. C'est vrai que c'est vieux. Hein. Les deux filles ont l'air de dire plutôt 1896. Bah arrête de souffler, toi, là. Ça va pas, hein. Si on parle en siècle, il y en a deux au 19e et il y en a un au 20e. Non, mais non, j'aime beaucoup la réflexion. On va parler en siècle avant de parler en année. C'est pas faux. Alors, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Faudra que tu m'expliques après comment tu réfléchis. 96. Allez, ils sont partis sur 1896. C'est ça? C'est ça? La B? 1896, la B? La B, vous êtes sûr? Oui, validé. Vous regrettez rien? Non. Non? Ouais. C'est sûr? Ouais. C'est faux. Non, c'est vrai. Bon, on marque un point pour elle. Ah C'est ça qui est bon. Alors, pour être précis, ça a eu lieu à Athènes, évidemment, donc en 1896. Il y avait, que je ne dise pas de bêtises... Deux sports. Alors attends, j'ai oublié de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Le ski et le surf. Non, le surf. Il y avait 14 équipes. Ah, quand même. Hein, 14 pays, donc Chili, USA, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce. Ils étaient 169, c'était les plus nombreux. Oui. Hongrie, Italie, Suède, Suisse et l'Australie. Ils avaient fait l'effort de venir à la nage, peut-être, j'en sais rien. Ils étaient bons d'ailleurs à la natation. Ils étaient entraînés. D'ailleurs, il y avait une natation justement dans les épreuves parce qu'il y avait 11 disciplines. Et c'est pas l'Australie qui a gagné. C'est les Suisses. J'ai pas noté, mais je me rappelle qu'au classement des médailles, c'est déjà les Américains qui avaient raflé. Normal. Voilà, le plus de titres. Et dans les disciplines, il y avait athlétisme, aviron, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir et voile. Il y avait le tennis. Ouais. Déjà. Ouais. Déjà, mais ça y est plus maintenant, si. Si, si. Bah si. Ah bon. Ah, c'est vrai qu'ils avaient leur propre tournoi à eux maintenant. Ils remarquent, avec Roland Garros. Ouais, je ne sais pas. Si, c'est revenu. D'accord, ok. Bon, donc ça vous fait un point. Bravo. Yes. Par contre, je viens de voir, j'ai oublié une ligue. Oui. Daniel, c'est quoi ton quiz bidon? T'as déjà donné un point gratos? Non. Non, mais c'était pour les mettre en gratos, ça. T'as mis la réponse du tout. C'est pas gratos du tout. C'est mérité. Très réfléchi. Ouais. Exactement. Très réfléchi. Non, mais je voulais être sympa parce que je me suis dit, Jeux Olympiques. Parce que si on compte si en siècle, voilà. Ouais. Évidemment, ça a fait une réponse plus large en siècle. Mais on était au siècle près quand même. Donc Non, mais c'était deuxième bien. Question. Deuxième question. Alors attends, faut que je vérifie parce que j'ai les réponses, mais j'ai oublié de noter la question. Okay. Ça m'est arrivé, ça déjà. C'est pas mal, ça. Alors, du coup, autant donner le point direct. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Donc là, ce sont les Jeux Olympiques d'été à Tokyo avec un an de retard. Combien y a-t-il en tout de disciplines de représenter? 29. C'est plus que la première. 31. Allez. 33. Ah. Elle était là, genre. Mais elle est où, ton compte? 38. On est à 33. De discipline, je dis bien. 29, 31 ou 33? Exact. Là où des trois, c'est exact. C'est les trois réponses. Il doit y avoir une certaine stratégie chez les filles parce qu'elles marquent. Ouais. C'est, alors, soit qu'elles sont un peu fatiguées, qu'elles ont peur de pas comprendre. Non, non, je pense que c'est vraiment pour se dire, attends, 29, c'est quoi cette blague de merde? 33, On est c'est pas comme chez le médecin, dites 29, 29, dites 31, 31, 33, 33. On s'arrête là, il y a que 3 réponses. Hein. Faisant partie de l'équipe des filles, je me considère pas fatiguée. Je... Alors, 29, 31 ou 33? Discipline. Discipline. Tu penses quoi? Franchement, non, il pense plus, lui, il a travaillé. J'aurais bien dit 31. Mmh. Eh ben, tu vois, moi j'aurais dit 29 ou 31. C'est vrai? Mmh. Ah ouais, et toi Audrey? Mmh, 31, moi. Ah bon, bah, on va pour 31. Alors, vous allez la pour 31? Du milieu. Ouais, ouais, ouais. C'est donc, vrai non. Que c'est la technique à Daniel David. Ouais, technique à Daniel, ouais. Eh ben, il s'en fait niquer. C'est combien? 29. 33. Ah, c'était 33, oh, discipline. Ouais. Oh, alors, ah, je vais vous les citer. Ah bon? Je les ai notés. Ah non? Athlétisme, aviron, badminton, baseball, basketball, boxe, canoë, kayak, cyclisme, équitation, escalade, escrime, football, golf, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté, lutte, natation, pentathlon, pentathlon moderne, rugby, skateboard, surf, taekwondo, ah, j'ai oublié le softball, pardon, tennis, tennis de table, tir à l'arc, tir sportif, triathlon, volleyball, voile. Non, je voulais faire une petite mauvaise blague sur le tennis de table, le ping-pong, c'est bon. Ouais. Non, non, bah c'est pas le. On se met pas à table, c'est pas un concours non, de non, bonne. Non, moi j'ai fait 2 ans de tennis de table. Et t'es toujours aussi mauvais. Et je... Alors oui, parce que c'était il y a fort longtemps. C'était à l'école primaire, donc j'ai oublié depuis. Mais alors, tu sais que j'ai joué quand même contre un ami, alors beaucoup plus tard, hein, je devais être ado, et cet ami m'a. Enfin, je l'ai gagné. Non pas parce que j'étais doué hein, mais il avait pas de main. Il avait oublié sa raquette, ça c'est bon. C'est méchant. Ah mais attends, mais au collège. Non mais pour être précis, c'était l'ami imaginaire, donc non, c'était facile. Le mec avait fait aussi du tennis de table et il trouvait toujours une excuse, tu sais ce genre d'excuse. Ah ouais. Quand non mais j'ai pas j'ai perdu parce que ma raquette, tu vois, non, mais la raquette elle accroche pas bah assez, oui, et puis c'est la balle qui est trop glissante, ouais. C'est la table qui est pas bien, elle est pas aux normes. Ouais, bon. Par contre, pour rebondir à ce qu'a dit Kevin, on joue à la main nous au collège. Mais à la main. Ouais, bah je crois que il y avait pas de raquette de fournie. Kevin va nous surprendre parce que il y avait vraiment pas d'argent à l'époque. Ah ouais, au collège c'était dur. Non, parce que, bon, vous le savez peut-être pas, mais Kevin est aussi entraîneur de tennis de table. Ah oui, tu es entraîneur, toi, carrément. Et tu aimes le foot. Oui. Ouais. On peut aimer les deux. Mais c'est possible. C'est l'ironie, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que contre toi, donc, Kevin, j'aurais des chances de me battre à armes égales, quoi, finalement. Alors, rentre ta raquette tout de suite. Ça ira plus vite. Non, mais moi, je joue avec la main. Hein, alors, range ta main tout de suite. D'accord. Troisième question, Daniel. Bon, ça va, ils ont qu'un point. Je vous l'avais dit, la première était facile, mais les autres... Alors, j'ai la question qui tue, c'est le moment de le dire. Hein. Combien vous sont allez, morts vous allez, vous allez comprendre le jeu de mots, là. Okay. Hein. Franchement, je suis fier de mon coup, là, quand même. C'est... Là, elle rigole avant. Laquelle de ces disciplines n'a jamais existé aux Jeux Olympiques? Oh, merde. Le tir au pigeon vivant. Ouais. Le pistolet de duel. Ou le duel à l'épée qui s'arrêtait au premier sang. Au premier sang. Pour pas qu'il y ait de mort. Ah oui, tu le tues pas, ouais. Que le mec puisse rejouer. Ah ouais, c'est mieux, quand même. Et c'est potentiellement sympa, ouais. Donc laquelle n'a pas existé? Là, tu marquais toutes les réponses, alors je t'en prie, note. Le tir au pigeon vivant, je veux que t'écrives. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Le duel ou le duel à l'épée au premier sang. Le deuxième, je pense qu'il a existé. Au JO? Oui. Oui, en sachant qu'il a cité les 33 avant. Mais non, mais non. Qui a existé, non, mais qui a existé. Là, les 33, c'est actuellement. Ouais. C'est au jeu actuel. Ouais, du coup, ils l'ont enlevé. Mmh. Ouais, ce qui est potentiellement sympa. Ils ont pu l'enlever, ouais. De toute façon, les trois, vu les noms, ils les ont enlevés. Hein. Oui. Bah, oui. L'escrime, c'est un peu combat à l'épée aussi. Hein. C'est... Ouais, mais là... C'est moderne. Là, c'est un peu moins protégé, quoi, à l'époque. Donc, à votre avis, laquelle n'a pas existé? Je dirais discipline, on peut même dire plutôt épreuve, pardon. Épreuve. Bah, je pense que la première, elle a existé. Le tir au pigeon vivant. Ah, oui. Ouais. C'est sûr, mais ça existe encore le baltrap au pigeon. Bah non, ça doit être un truc. Ouais, mais ouais. Pourquoi on dit poule? Non, on lance pas de poule. Hein, non, ça c'est ce pas pour le pigeon, ça c'est pour la poule. Mais tu dirais du coup que c'est la 3 C'était quoi la 3? Le duel à l'épée qui s'arrête au premier sang. Ah oui, bah alors la 2 elle a pas existé. C'était quoi la 2? Le duel, le pistolet de duel. Je pense que c'est bien la 3. C'est la 3, ouais. Parce qu'ils se battent plus à l'épée, on n'est pas au Moyen-Âge. Le pistolet. Si t'as des flingues, tu vas pas te battre au pistolet. Donc ça veut dire que forcément il y en a un qui meurt. Non? Oh, ça peut être des balles à blanc. Oui, ça peut être des balles à blanc, ouais. C'est sans doute des balles à blanc. Parce que là, sinon, c'est un petit peu... Mais non, mais l'épée, Il n'y a plus d'athlètes cette année dans la discipline. Ils sont tous passés l'année dernière. Je pense que c'est l'épée, parce qu'ils se battaient au Moyen-Âge aux épées, mais en 1900, on se battait pas à l'épée. Au pistolet, okay. Pourquoi pas? Parce que justement, on avait des flingues. De toute façon, les officiers, tout ça, ils avaient toujours des épées. Hein. Décoratives, ouais, c'est bien. Non, ils se battaient toujours avec des épées dans l'armée. Hein. Ils font leur baïonnette. Alors, à votre avis, on va vous demander une réponse. Oh ouais. Bonjour, est-il lassé? Allez, lassé. De toute façon, ça a été. Voilà. D'accord. Ça a été non, oui. Mais non, mais parce qu'il y a eu la. Alors, je vais faire un peu durer le. C'est peut-être lassé, mais oui. Alors quoi? Non, tu fais rien durer du tout. Lassé. Non, ils ont dit lassé. Lassé, lassé, c'est validé. Ils sont lassés, d'accord. Alors je vais vous donner des explications tout de suite. Tir au pigeon vivant, ça a existé au JO de Paris en 1900. Fallait tirer sur les oiseaux et les tuer. Et bon, les bâtards. C'était tellement, on va dire, malpropre et fallait ramasser après. Ah bon, ils ont dit. Je trouve ça plutôt sympa, moi. Voilà. Alors non, quand même, pour la petite histoire, le gagnant avait touché une prime de 20 000 francs de l'époque. Donc, c'est-à-dire une belle prime. D'accord. Pour tuer les pigeons. Donc après, wow, vous avez dit pistolet de duel ou. Ouais, ouais. Vous êtes sûr que vous voulez pas changer? Hein, mais c'est trop tard, j'ai déjà 1000 points. Alors, le pistolet de duel a existé aux Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm. Voilà, alors, ouais, en fait, ils n'étaient pas en duel. Ils tiraient sur un mannequin qui était quand même revêtu comme un bonhomme. Mmh. D'accord, ah, oui. Voilà. Alors, quand même, à savoir que, contrairement à ce que tu dis, ils ne se battaient plus. Non, c'est pas vrai. Le dernier duel d'honneur, on va dire, en France, qui s'arrêtait justement au premier sang, a eu lieu le 20 avril 1967 entre deux députés qui se chamaillaient. Quoi? Enfin non, pardon. Ça devait être beau à voir. Pardon, un député et puis le maire de Marseille. Donc le député de... ça m'étonne tellement pas que ça soit Marseille. Désolé les Marseillais. Voilà. Moi non plus. C'était entre Gaston Defer, que les Marseillais connaissent très bien. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Et l'offensé, celui qui était offensé, c'était le maire de Marseille qui s'appelait René Ribière. D'accord. Le pauvre, il s'est fait traiter d'abruti, mais en plus, il a même pas obtenu réparation parce qu'il a perdu. Oh là là là. Un gros chèque. Je n'aime pas que l'on me traite de mauviette. Ah ouais. Ok, donc ça vaut un duel au pistolet. Non, à l'épée, à l'épée, attention. À l'épée, à l'épée, pardon. Bon, il marque un deuxième point. Donc ouais, ça fait un deuxième point. Ils ont un peu évolué, Marseille, maintenant. C'est bon, après, je suis gentil, j'ai mis une question très facile. D'accord. T'étais pas obligé. Ah si, je me suis dit quand même. Ils savaient pas dans quelle équipe ils allaient tomber. Je me suis dit, c'est des boulangers, faut être sympa avec eux. J'aurais pu te mettre, qu'est-ce qu'une autolise? Quel est le nom latin de la levure? Saccharomyces cerevisiae. Je savais que ça allait marcher. Quelle ville américaine n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques? Toronto. Non, je sais pas. C'est même pas américain. Saint-Louis, spontané. Saint-Louis, Atlanta, New York. Y'a pas de Saint-Louis. Comment ça, y'a pas de Saint-Louis? En Amérique? Bah. C'est chez nous, Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, bah. Ben Saint-Louis, y'a Saint-Louis. Y'a Saint-Louis, y'a Atlanta, y'a New York, même en France. Hein. Y'a pas de New York en Amérique. Ouais, c'est parce que t'as pas cherché, y'a un lieu dit qui s'appelle New York. Il est en train de me raconter des cracks. Faut pas que je l'écoute. Du coup, c'est quelle ville où que les JO n'ont pas lieu? Voilà, bah, Saint-Louis. Ils ont forcément eu lieu à New York pour le coup. Saint-Louis, Atlanta, New York. Les JO, je précise, JO d'été. Oui, d'été. Attends, ça c'est un piège pour nous tromper. Il cherche à nous embrouiller, il va parler comme ça pour... Je connais les petits bonhommes là-bas. Ouais, non mais je te prends à ton propre jeu là. Tu vois, là je coupe le micro. Salaud. Non, de toute façon, j'aurais pris celui-là d'à côté. Je pense qu'il y a eu Atlanta. C'est grand Atlanta. Atlanta, Saint-Louis, New York, New York, Saint-Louis, Atlanta. T'aurais dit Saint-Louis? Bah non, mais les jeux d'été. Moi je dirais que c'est Atlanta. En plein soleil. Il n'y a pas eu lieu à Atlanta, je pense. Mais il fait beau Atlanta. Ouais, mais à New York, il y a. Bah en été, il fait beau partout en général. Saint-Louis, il fait beau. Tu connais Saint-Louis? Vraiment? Tu connais la ville américaine qui s'appelle Saint-Louis? C'est pas parce que tu le connais pas, t'es dit que ça existe pas. Si, bien sûr que c'est. Si tu savais. Non mais jour. T'inquiète pas, les trois il fait beau en été, hein. Sauf s'il pleut évidemment. C'est en Amérique. On a droit à un joker? Non. Appelle un ami. appelle Kevin ou moi je te répondrai. Bah non. Alors à votre avis. Ou Yann éventuellement parce que il me fait la tête, je l'ai oublié. Moi j'aurais bien dit Saint-Louis, Eugénie serait pour Atlanta, du coup Audrey ça va être toi qui va trancher. Sauf si tu dis New York. Je sais pas. Là franchement je sèche. Bon bah New York alors. Sèche. Ok. Quelle est ta réponse? Non, c'est dit, je dirais alors. Saint-Louis, moi. Saint-Louis. Je sais pas, ça me... Ah, Saint-Louis, allez. Alors allez, Saint-Louis. Ah, c'est Saint-Louis. Saint-Louis. Parce que alors, Saint-Louis, voilà. Je suis sûr que vous avez faux. Déjà, je vais répondre. Ouais. Hein? Bah, par oui ou non. C'est ça ou c'est Atlanta, pas ça? Atlanta, ça a eu lieu en 1996. Voilà. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Mais on est ensemble, c'est vrai. Et Saint-Louis, ça a eu lieu en 1904. Ah, merde. Donc, c'était New York. C'était New York. Alors. Petit piège, Il n'y a pas eu lieu les jeux d'été. Il y a eu les jeux d'hiver. Les jeux d'hiver ont eu lieu dans l'État de New York avec Placide à deux reprises. D'accord. Certes, voilà. Je le savais. Et troisième ville américaine où il y a eu les jeux, c'est Los Angeles en 1932 et en 1984. C'était sympa. Ouais, ouais, ouais. J'y étais. Ouais. Ah, on en parlait encore hier soir d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais, il se rappelle quand il a failli gagner la médaille qu'il avait. Oui, non mais c'est. Exactement. C'est tout... Non mais ça va être trop long, on vous racontera pas hein, parce que franchement. Cinquième question. Donc ça fait pas de points supplémentaires pour vous. Ah ouais, c'est pas grave. Pour l'instant vous êtes à 2-2 hein. On va vous fumer après. Alors, on en parlait tout à l'heure, les Jeux Olympiques ont lieu tous les 15 ans. Certes. Sauf cette année, évidemment. Ah, ils sont mauvais. Il y a un an de décalage. Ouais. Vous savez peut-être que par le passé, il y a eu des Olympiades où il n'y a pas eu de jeu. Alors là, tu vois ce blanc, ça ouais. Résume notre réponse. Ouais. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? En gros, il y a eu des Jeux Olympiques sans jeu. Voilà, il y a eu des Olympiades, des Jeux Olympiques oui. Qui auraient dû se dérouler, qui ne se sont pas déroulés. Ah, comme cette année. Ah oui, qui ont été annulés. Carrément annulés. Là, ça a été reporté. Bah, c'est pas genre, ils font un événement et il n'y a rien. Moi j'ai compris ça direct. Personne n'est venu. Non voilà, c'est comme si on avait annulé cette année, ça aurait fait une fois de plus. D'accord. Et bah oui, mais combien il y en a eu, c'est ça? Combien il y en a eu? Putain. Deux fois, trois fois ou quatre fois? Ah oui, quand même. Et c'était quoi les motifs? Ah bah ça je peux pas vous le dire, vous allez trouver. Bah oui, c'est. Deux, mais de toute façon, il y a que trois réponses à choisir. Deux, trois ou quatre, hein. Y a pas besoin de chercher plus. Attendez, hein. Je note. Attendez. Note. Tout à l'heure, elle a pas voulu noter avec le tir au pigeon vivant. C'était trop, c'était trop long. Bah. Ah, ne c'est pas une excuse. Bah, si. Vas-y, je deux, trois, quatre. Au bluff, hein. Ouais. Quatre. Allez, quatre. Alors, la raison, en fait, ce sont les guerres mondiales. Ah bah, donc deux. Ah bah, y en a que deux. Non. Ah merde. Bah non. Comment 4 ça 3. Comment ça? Je comment l'ai pas ça, fait la 3. Troisième encore. Il y a eu. Ça a été annulé 3 fois. 1916, ça devait être Berlin. Il y a eu 3 guerres. Ouais. 1940, ça devait être Tokyo. Ça a été déplacé à Helsinki. Mais Helsinki, ça n'a pas pu non plus avoir lieu. Ah d'accord, ok. Et donc, forcément, 1944, qui devait avoir lieu à Londres. D'accord, ok. Ah bah oui, forcément. Ouais. Donc 3 fois. 3 fois, ouais. Bah... Et mais attends, t'as pas compté 2020? Non, c'est décalé. Ouais, mais c'est pareil. Non, il a expliqué la différence. Ouais, ne sois pas mauvais joueur. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, ça vaut un demi-point. Ça vaut que dalle. C'est moi qui compte les points. Fais gaffe, ça va valoir moins un demi-point là. C'est tout pas. Ah, bah pour enlever un demi-point, va falloir y aller. Hein, parce que bien sûr que je suis un truand. T'inquiète pas, je le surveille au niveau du comptage de points. Pour l'instant, vous êtes plus dans le négatif que dans le positif. Ouais, alors... mais pour l'instant, vous êtes tous aussi dans le négatif. Alors, il me reste encore. On est à 0-0. Pense à nous rajouter des points alors après. Évidemment. Il me reste encore deux questions. Oui. Pour moi, il y en a une difficile et une autre facile. D'accord. Hein, tous Jeux Olympiques confondus, été, hiver, etc. Alors, je vais quand même vous aider, c'est en été. Hein. Ouais. Qui a décroché le plus de médailles? Michael Phelps? C'est qui? Larissa Latinina? C'est qui? Ou Paavo Nurmi? Larissa, c'est Larissa, non? C'est la sauce. Mais oui, elle a décroché un tas de médailles. Ah bah ça, oui. On a le droit de savoir leur discipline ou... Tu les sais pas non plus? Ça va pas vous avancer à grand chose. Ah, il y a un nageur, une gymnaste et un coureur d'athlétisme. D'accord. Et du coup, c'est quoi leur nom? Michael Phelps. Ouais. Larissa Latinina et Paavo Nurmi. Je le connais, Michael Phelps. La première, ça me dit quelque chose. Oui, je l'ai déjà entendu quelque part. Et ben la première. Hein, on est tous d'accord. C'est. Voilà, c'était pas. On l'a entendu, on sait pas qui c'est, mais. Je pensais que ça serait un petit peu plus difficile quand même. Il a le record avec 28 médailles toutes de 2004 à 2016. Dont 23, c'est un américain. Ah merde. Dont 23 en or, c'était en natation. Ah oui. Ouais, ok. Le deuxième, c'était logique. Alors en fait, je vous ai donné les trois premiers au classement. Ouais. Deuxième, c'est une femme, Larissa Latinina, une gymnaste. À tes souhaits. Entre. 1956 et 1964 a décroché 16 médailles, dont 9 d'or en gymnastique. Ouais. Que 16 médailles. Et troisième, c'est Paavo Nurmi, donc un coureur de fond de 1920 à 1928. Ouais. Il a décroché 12 médailles. Il courait pas à la surface. Dont 9 en or. Bah, c'est-à-dire que maintenant, ça c'est en 1928, donc si tu veux, maintenant il est vraiment au fond. C'est pas faux. Alors, c'était d'ailleurs une performance à l'époque, 12 médailles en 3 Olympiades. Ouais, c'est pas mal. C'était à l'époque quand on sait qu'il n'y avait pas beaucoup de. C'est un bon poulain. Ouais, ouais. Ouais. Dernière question qui va être facile si vous suivez l'actualité. Les JO auront lieu, donc vous le savez, à Paris, j'espère, en 2024, pardon. Ah, bon, c'était pas 2000. Je savais même pas. Au départ, il y avait 2021, non? Ça non, devait être en 2021 au départ. Non, c'est ça Tokyo. Ça peut pas ça. Être en 2021. Ça peut pas. On y est. Non, mais à l'époque, tu sais. Ah non, c'était 2012. C'est Paris 2012. C'est ça. Non, il oui, t'as inversé les chiffres, c'est ouais. tout. Hein. Bah, oui, il y avait... c'est ça. À Los Angeles en 2028, mais on vient d'apprendre où ils auraient lieu en 2032. C'est génial. D'accord. Il faut savoir. Indice. Attends. Tu le sais, Eugénie ? Non, attends. J'attends les réponses. Ah merde. Indice, je vais être sympa, c'est en Australie. Bah, tu viens de le dire. C'est en Australie. Oui, mais je veux la ville. Oui, mais c'est la ville. Ah, Brisbane. Toronto. Non, ça c'est Canada. C'est la capitale du Canada. Brisbane, Melbourne, Sydney. La première. Brisbane ? Elle a l'air sûre. Ça serait logique parce que je sais, je suis Eugénie. Je dis la première. Ouais, elle a un bon instinct. Ouais, bah on va pas faire du suspense en effet. Oh là là. C'est Brisbane, Melbourne les a accueillis en 1956 et Sydney en 2000. Bon. Ouais, on est trop fort. Et ouais. Bah je me rappelais de Sydney, ouais, par contre l'autre non. Mais ouais. Personne okay. se rappelle de la capitale. non, mais d'accord. Soit... Bon. Non, mais j'ai été sympa, je vous aurais mis les X-Games, c'était beaucoup plus dur. Hein. Oh, mais je crois qu'elle le savait dès le début. Alors, pour le moment, donc on est à 4 bonnes réponses et 3 mauvaises réponses. Bah, ça fait 4. Ça fait 4. Non, mais on compte aussi les mauvaises réponses parce que non. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais moi je vous ai fait un quiz où il y a 19 questions. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de points. Donc il va falloir qu'on fasse en sorte que ça soit équitable. Bah, tu vas en choisir 7. Voilà. Oh non, pas bah que si. 7. Bah c'est en théorie, je vous ferai gagner des demi-points sinon. Et on en fera le 2. Ça fait 7, 14. Ça fait 19. Bah 14, on en fera 14. 14. Ouais, 14. Bon, 14, d'accord, ok. Ouais, voilà. On fera comme ça si tu veux. Et il a pas suivi les consignes en oui, même voilà. temps. Oui, ouais. Voilà. On a eu l'ordre. Je pense, de faire on m'a pas question. Dit. Voilà, on a tous respecté. Mais tu m'as pas dit, moi. Si, tu m'as dit, fais des quiz. Non, tu m'as pas dit tout. C'est vrai. T'as fait un quiz. Je lui ai demandé un quiz. Il m'a fait un blind test. Mais après, c'est ce que je voulais. Oui, mais il aurait pu faire que 7. Ouais, mais tu me l'as pas dit, donc t'es en tort. Bon, on écoute de la musique sur Indestar. Avant notre première épreuve à nous, l'équipe des gagnants, voici la meilleure. Voici Anafri avec... Ah non, tu voulais dire Lindsay Sterling. Non, Anafri, réellement, avec Try sur Indestar maintenant. Indestar, là où tout commence. Alors, vous venez d'entendre Anafri à l'instant sur Indestar, là où tout commence. Et le titre de cette chanson était Try, voilà. Essayez. Et nous allons essayer ce soir avec... notre équipe, la meilleure équipe, puisque c'est l'équipe gagnante, Daniel. Pardon, excusez-moi, j'ai mal compris. Qui a même ce soir l'autre équipe, je dirais. Alors, c'est vous les autres d'abord. Non, je dirais nous, on est les boulangers, vous êtes les autres. L'équipe non, des non, boulangers. On est les gagnants. Composé oui, mais vous êtes les autres. Forcément non. De Teddy le boulanger, mais on a vraiment la team boulanger, puisqu'on a Audrey et il y a également. Eugénie. Putain, il cherchait ton nom, ah, le bâtard. Pas du tout. Je quitte les lieux. Pas du tout. Eugénie est avec nous ce soir. Et donc, vous formez l'équipe de boulangerie. Et pour le moment, vous avez plutôt bien réussi la première épreuve qui était sur les Jeux Olympiques. On a la moyenne. Vous avez largement la moyenne. Voilà. 4 sur 7. 4 sur 7, c'est pas mal. Mais peut-être que nous allons faire mieux maintenant. Alors, on va parler cinéma. Non. Et c'est Eugénie qui a préparé le coup. Eh ben non, c'est moi. Non, c'est il suit même pas. D'abord, il se rappelle pas de ton prénom. Oh, ça va. Je dirais ça mérite presque un demi-point quand même. Alors, Audrey, explique-nous. Non, c'est en fait c'est une technique de déconcentration. J'explique à nos auditeurs. Il est tellement pas concentré qu'il se rappelle pas du prénom. Non, c'est pour déconcentrer l'équipe adverse. Ouais, mais là, tu dévoiles notre stratégie. Oui, non, mais les auditeurs, ils vont se dire. On joue en 4-4-2 là. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le thème. Le thème, la thématique de ce soir qui a l'air d'être une thématique plutôt difficile pour ceux qui n'aiment pas le cinéma. Genre moi. N'est-ce pas, Théo ? C'est-à-dire que je suis pas très cinéphile, quoi, on va dire. Mais peut-être que dans le. Ouais, mais on a Kevin quand même qui va peut-être sauver l'honneur. Si c'est du cinéma manga, oui. Mais non, c'est français. J'ai choisi français. Oh putain, cinéma français. Ah oui, j'ai pas été. Mais parce que même moi, je suis pas très douée dans ce domaine. D'accord, ok. Ça me rassure pas. Alors, c'est quoi le thème? Ouais, le thème, c'est quoi? Ouais. Bah, j'ai choisi un quiz sur les acteurs humoristes français qui ont joué dans des films. D'accord, donc il va falloir retrouver quoi? Le nom des films? C'est le nom des films, ouais. Ok, très bien. Ah ouais, j'ai choisi les humoristes, enfin les acteurs humoristes, et après j'ai... D'accord. On a choisi des films. Bon, on est une chance sur trois. Hein. D'accord. Ouais. Ouais, voilà. Ah, on va se rassurer comme ça. Si, ouais. Oui. Acteur, humoriste. Ah. Alors, cette question, trois propositions à chaque fois. Évidemment, vous pouvez jouer à la maison, hein, en famille. Vous pouvez autant vous affronter que nous, on s'affronte. Bon, puis si avec vous appelez, vous pouvez. Si vous jouez, vous pouvez. Vous connaissez. Enlever un point à l'équipe des gagnants. Vous pouvez nous appeler. Mais que quand c'est nous qui jouons. Voilà, pour nous donner la bonne réponse. Si vous êtes un bon public, si vous connaissez réellement la réponse. Alors, vous appelez, je rappelle, au 09 70 407 306 voilà. Et vous demandez Théo directement. Exactement. Ah, vous demandez, parce que Teddy, il va pas vouloir vous passer des... Non, tiens. Mais j'ai mieux, moi, comme règle, si tu veux. S'il y a quelqu'un qui appelle, c'est lui qui est obligé de donner la réponse. Et qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si quelqu'un appelle et il donne une mauvaise réponse, bah, vous l'avez donc. Si vous appelez, c'est que vous savez. On va pas commencer la triche. Quelle est ta première question, Audrey? Alors, dans quel film l'humoriste français Kev Adams a-t-il joué? Merde. Alors, je connais. J'ai l'élève du cobu, les profs ou le marsupilami? Allez, c'est facile là pour le coup. Ça c'est facile. Ouais, ça c'est facile, ouais. Je crois que j'ai la réponse. Vas-y, tu dis quoi? C'est les profs. Ouais, ouais. Bah non. Si, si. Les profs. Ah, commence pas. Non, les profs, les profs et les profs 2, c'est l'élève, je sais plus comment. Ouais, j'ai un film que j'ai regardé environ 10 minutes parce que j'ai trouvé ça nul. Voilà. Non, mais c'était faut laisser ton cerveau. Il n'y a pas de voiture dedans. À deux côtés, ouais. Oui, bah, c'est vrai, oui. Ouais, ouais. Non, mais j'avoue, ouais, j'ai pas accroché. Mais bon, c'était ma critique. Ça serait le prof de conduite. Donc on répond les profs, c'est notre dernier tu mot. Tu marques déjà un point pour nous. Oui, bah c'est ça. Tu peux même enchaîner avec le deuxième. Bien sûr. Eh ben on enchaîne avec la deuxième question, alors allons-y. Alors, quel film Gad Elmaleh a-t-il représenté? Chouchou, Loulou ou Doudou? Ah, Chouchou. Oh. Marque un point. C'est Chouchou. Bah ouais, c'est simple. Oui, mon Loulou, c'est Chouchou. Chouchou, hein. Chouchou qui est aussi le c'est nom... C'est pas grave, sur les animaux, ils vont pas y arriver de toute façon. Ouais, on va se rattraper comme c'est ça. C'est aussi le nom de comment dans un gars et une fille, de la fille. Oui, oui. Ah bah il y a Chouchou et Loulou. Genre ouais, du jardin, ils ont peut-être un doudou d'ailleurs, ouais, hein, c'est possible. Mais... Ouais, peut-être. Alors vous remarquez qu'elle va beaucoup plus vite que moi pour poser les questions, hein. Ça se voit qu'elle n'est pas... C'est qu'elle fait moins de blabla. Mais... Ouais. On est aussi bien. Beaucoup plus rapide sur les réponses, vous aurez remarqué. Ouais, mais bah, je trouve que ça c'était compliqué aussi. Oui, voilà. Ouais, je trouve que ça devrait mériter. Si tu regardes pas, tu peux pas connaître. Nous, c'est des points donnés là. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais moi, j'ai fait facile. Prend, là. On a décidé de vous donner les points les plus faciles. Tu vois. Ouais. Et après, vous fumez. Non, mais, ouais. Non, mais aussi, nous aussi, hein, les points les plus faciles, on vous les donne. Hein. Alors, non, ça, parce qu'il y a une liste de Théo. Ça, c'est marrant. On dirait les personnes qui perdent au jeu. Puis, ah, mais en fait, non, je t'ai donné le personnage fort pour que tu gagnes. Exactement, mais c'est exactement ça. Bah ouais. Bah ouais. Alors, parce que nous, on est gentils. Donc pour le moment, on est à 2 sur 2. Continuons dans cette victoire. Bon, de toute façon, on a déjà mieux commencé que le reste. Hein. Non, non, ça non. Veut rien dire, non, non, non, faut qu'on continue. Non, mais on a fait 2 sur 2, ils ont ils fait 2 sur 1. Ils vont marquer 0 sur les animaux, ils vont être contents. Ouais. Alors, la troisième question. C'est vrai qu'il était salé, en plus. Dans quel film Danny Boone a fait rire des millions de Français? Beaucoup. Babysitting, Very Bad Trip ou Bienvenue chez les Ch'tis? Oh. Alors, sans hésiter. Je sais pas. C'est si. Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. On est d'accord. Paraît, ouais. D'ailleurs, oui, j'ai vécu quelques temps là-bas. C'est vrai qu'on est bienvenu là-bas. Hein. J'aime surtout pas... si tu vas dans les bars et que tu bois un coup. Alors là, c'est. Ouais, dès que tu bois un coup, de toute façon, t'es bienvenu partout. <ouais. rire> <Ouais. rire> Critique cinématographique de Théo, j'aime pas Danny Boone. De toute façon, il aime pas j'sais beaucoup pas si le cinéma. C'est une critique cinématographique ou une critique tout court. Mais j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis et j'ai esquissé un par sourire. Contre, voilà. Par contre, Fast and Furious avec toutes les voitures, ça te plaît? Ah, je préfère, ouais. Ah, bon, sauf que le mec est mort, mais sinon. C'est pas très français. Il y en a qu'un seul qui est mort. Non, mais oui. Taxi, sinon en français, dans les films avec des voitures. Ouais, c'est vrai. Oui, il y en a qu'un seul, oui. Oh, mon petit Daniel. Ouais, ouais, et c'est pas moi, c'est un autre. Non, mais j'avoue que l'humour de Danny Boone. Regarde, il a fait un sketch à l'époque sur la Twingo. Bah non. Est jaloux, il voulait faire. J'aime bien cette voiture. Mais non, j'aime bien cette voiture. Il voulait la Twingo en fait. Ouais. Bah, j'en ai eu deux des Twingo en plus. Mais c'est un sans faute pour le moment. Continue. Alors, lequel de ces films Malik Bentala a joué? Qui c'est ça? Là, vous l'avez dans le cul. Tu le connais, Kevin? Oui. Ouais, bien. C'est râpé. Du coup, c'est Pitaya, Pattaya ou Potaya? Ah merde, oh, c'est facile ça. Ouais, merde. Je serais tenté de dire Pitaya, non? Non. Bah non. Ah non? Non, Pitaya, c'est une marque de resto. Ah oui, c'est Lille. C'est Lille. Bah si, non, c'est la marque Lille, de resto c'est alors. Pattaya. Chut. C'est Pattaya, c'est Lille. C'est Pattaya, ah oui. Enfin, ah oui, la plage, c'est Lille. C'est vrai que Pattaya, c'est là où tu manges. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Mais si, c'est ça. De quoi? Non. Non. C'est Pattaya. Non, c'est Pattaya. Pattaya. C'est Pattaya. C'est notre dernier mot. Voilà. Arrête de nouveau. C'est ça. Tu nous as marqué une fausse réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ouais, c'est la bonne réponse. C'est qu'en plus, faut le surveiller parce que c'est une ardoise Velleda et puis c'est les effacer, le bug. Non, mais je le surveille, t'inquiète pas. Mais là, il est. Ah, il a. Hein, t'as l'air, c'est trop facile là de. Ah oui, je bouillonne un petit peu. T'inquiète, ça se voit. Mais c'est pas grave, j'attends mon tour. J'ai confiance, j'ai confiance. T'as pas de l'eau à faire chauffer vu que je pense qu'on pourra là. Non mais là il brûle. Tu y mets sur la tête, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, là vous, les animaux, tu vois, je l'ai fait facile, mais. Est-ce, non, mais... que, est-ce ça qu'on serait pas déjà une égalité avec l'équipe de la boulangerie alors qu'on a pas. Ça veut rien dire. On a encore trois propositions. Bon alors allons-y pour la suite. Tu peux marquer 7 points, c'est pas grave. Je suis prêt. C'est bon, alors, qu'est-ce qui a rendu Jean Dujardin célèbre? Ah bah. Camping Paradis, soda ou un gain de fille? Ah ah, c'est vrai que c'est facile. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, Chouchou, fille, et Loulou, hein. Chouchou et Loulou qui jouaient un gain de fille. Voilà. Ouais, parce que sinon, je l'aurais refusé. Hein. Tagadagadam, tam tam tam, tagadagadam. Tam tam tam tam. Moi, je suis pas convaincu par l'imitation, donc je dirais non. C'est un gain de fille, hein. On est d'accord. N'oublie pas que c'était Théo. C'est déjà cool. Beaucoup c'est pour Théo. Que, ouais, bah, ouais, c'est niveau une très imitation, belle imitation. C'est pas. Est-ce que vous l'avez reconnu? Bah oui, évidemment. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. Oui. Bah oui. Bah tout de même. Tu connais cet humoriste. Bah bon. Alors. Non. Ça fait 5 points. Ouais, okay. Bon, ça va. Il doit être très fier de son bon vivre. Il reste plus que deux questions. Il se la raconte un peu. Non mais il a raison, chose. Vas-y, continue, allez, allez, allez, vas-y. Quel est le titre du film où Florence Foresti joue un rôle principal? Hollywood, Planqueur ou Lupin? C'est Hollywood. Hollywood, parce qu'il n'y a pas de D, parce qu'ils ont fait tomber le D à la fin. Je l'ai vu ce film. Ah, c'est avec. Eh ben là, je connais pas. Tu regardes que pas, des films de merde, c'est pour ça que t'aimes pas le cinéma. C'est le gars, il dit qu'il aime pas le cinéma, il regarde tous les navets. J'aime bien Florence Foresti. Ça reste français, quoi. Ouais, ouais, ouais, voilà. Non, mais j'aime bien Florence. Elle joue avec un autre acteur, non? Eh ben, devine et t'auras un point. Un autre point. Dis pas ça, il pourrait c'est un point bonus. C'est avec Gad Elmaleh. Ah dommage. Non, c'était avec qui? Jamel Debbouze. Avec Jamel Debbouze. Bon, alors c'est avec qui vont un point ouais, en moins. Un point en moins. Non, non, non, non, non, non, non, c'était pas comme ça. Il vous a fait perdre un point. Non, non, non, non, non, on a un point. Mais oui, c'est. Mais de toute façon, c'est les mêmes. Hein, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, ils ont joué pendant des années ensemble. Il y en a un qui a un bras. Oui. C'est pas les mêmes. La barre. Tu seras pas. C'est pas les mêmes. La barre de fer. Non. Oh, mais c'est un sketch mythique ça, la barre de fer avec Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Ça parle ouais, mais d'une voiture. Les sketchs de Gad Elmaleh, je suis pas très fan. Non, mais là ils étaient ensemble, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. C'était dans les années 80. Là où l'autre, je suis pas fan. Je suis pas fan de. Ah, pour moi, c'est le même niveau. Non, ouais. Alors moi j'aimais bien Jamel Debbouze dans H. Ouais. Ah, là oui, par contre, oui. Dans H, je le trouvais bon. Jamel Debbouze, après en sketch, non. Mais Gad Elmaleh, si j'étais fan de Gad Elmaleh dans les années 2000, là, il y a 2 ou 3 spectacles qu'il a fait. Très doué pour l'improvisation. Ouais, ouais, ouais, là, non, là-dessus, franchement, je l'avais trouvé très doué. Là. Après, les sketchs, enfin les spectacles d'après, moins. Ouais. Mais il y en a eu deux. Et puis, même avant, dans les années 90, il était sur Europe 2 le matin. Et il faisait des sketchs aussi. Et franchement, c'était cool. C'était sympa ce qu'il faisait. Ah, je l'ai pas connu à cette époque. En même temps, il a été vite démonté ces dernières années à cause de ses plagiats. Oui. Mmh. Et puis, en vrai, sur les deux derniers spectacles qu'il a fait, c'était franchement du réchauffé. Alors, non seulement du réchauffé, mais en plus du copier. Du copier réchauffé, c'est, ça fait pas que les derniers, c'est surtout les mêmes avant. Ouais, même ça, avant. A été faite par des plagiats américains. Mais en tout cas, ils étaient bons. Mais... Tu vois, même si c'était repris, c'était bien interprété, fait. Mais voilà. Voilà, quoi. Donc bon, j'en c'est veux pas cool. Trop. Mais c'est pas cool d'une manière générale. Tu reprends une musique de quelqu'un, cool. Tu la fais mieux que l'autre, du coup, c'est ta musique. On est d'accord. Non. Et puis Jamel Debbouze dans dans H. Il peut être debout. Non, hein, c'est plutôt sympa. Jamel Debbouze, je mets l'assis. Donc ça nous fait un point. T'as le choix, c'est bien. Sur 6, mais allons-nous faire un sans faute? C'est la question que la France se pose. Il n'y a pas que la France d'ailleurs. Théo, voyons, quelle question. C'est vrai, on serait presque trop fort. Mais allons-y quand même. Pas assez le presque, on sait pas où on doit le placer, maintenant ou tout à l'heure. Attention, faisons attention quand même. Alors, quel divertissement représente Mimi Mati? Ah bah. Je l'ai. Petit secret entre voisins, Joséphine Ange Gardien ou petit... Au nom de la vérité? J'aime bien Petit secret entre voisins. Elle est humoriste. Ça existe les autres, on est d'accord aussi? Oui. Ouais. Non mais c'est évidemment Joséphine Ange Gardien avec ce fameux claquement de doigts là. Clac. Elle est humoriste. Ah bah ça y est. Je savais alors, pas. Ouais. Alors, c'est vrai? Ouais. T'inquiète pas, t'as dit moi non plus. Si si elle est, si si elle était humoriste. Il y a débat. Ouais. Non mais. Elle a fait avec ses copines les filles là, Michel Bernier et puis Isabelle Mireille Breton. Mathieu. Non, non. Non. C'est chou, hein. Ah, mais Michel Bernier, Laroque, j'aime bien. Ah, oui. Laroque, c'est qu'avait dit Michel. Non, non, non. Pierre Palman, c'est non, la team Pierre. Oui, Pierre Palman, il a existé aussi. Ouais, c'est ça. Bah, il existe encore, je crois. Il existe encore. Je suis pas, trop fan de Pierre Palman, mais. Oui. Mais Mati, bon, elle est un peu. Peu de personnes, en fait. Mais c'est ça. Peu de gens, c'est vrai. C'était ma critique, c'était. Bon. Il y en a eu beaucoup ce soir, quand même, des critiques. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait que commencer. J'ai quand même défendu Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Tu remarqueras. Ah, c'est sûr. On a fait que deux quiz. Je crois qu'on a changé notre Théo là. On est à 7. Enfin, vous êtes à 7 oui. contre 4. Oui. On a fait deux quiz. C'est bien. Oui. Vous allez perdre maintenant. Hey, alors, oui. Par contre, je crois que le prochain, ça va être à notre tour. Le prochain, c'est à votre tour. Oui. Voilà. Donc, vous allez. L'équipe de Boulanger va essayer de remonter et d'arriver au même niveau que les champions du monde. Pas au même niveau, on sera au-dessus. Peut-être. Ouais, ou peut-être sûr. Pas. Mais on va le savoir dans un instant. Qu'est-ce qu'on écouterait bien, mon petit Teddy ? Bah, je sais pas. Hein, c'est toi qui as la télé. Moi, tu vois, par exemple, je verrais bien un Ocean Avenue. Un Ocean Avenue. Ah ouais. La reprise d'Angèle avec Oui ou Non. Un remix plutôt d'Angèle avec Oui ou Non. Pourquoi pas. C'est sur Indestar, c'est dans cette émission des vacances. Et dans un instant, deuxième épreuve pour l'équipe des boulangers. Vont-ils arriver à remonter à notre niveau? Vous le saurez dans 3 minutes. Vous êtes sur Indestar. Indestar, là où tout commence. Indestar et cette soirée du lundi soir avec vous, les amis, pour un grand quiz ce soir, hein, ou plutôt une série de quiz avec deux équipes. Alors d'un côté, nous avons l'équipe des boulangers avec ce soir Teddy, ouais. Mais aussi Eugénie et Audrey. Ouais. Et de l'autre côté, nous avons l'équipe des gagnants, c'est comme ça qu'on s'est trouvé. Et ça se vérifie pour le moment puisqu'on est à 7 sur 7. Je trouve ça un peu macho. Avec Daniel, c'est pas macho, c'est ouais. C'est parce qu'on est trois mecs en même temps. Mais Daniel, Kevin et Théo. Donc l'idée c'est d'avoir à chaque fois, on a trois épreuves chacun. Hein, voilà, il s'agit de marquer le plus de points possible pour remporter la victoire. Ouais, c'est exactement ça. Alors pour l'instant, si on fait un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de cette émission, on a fait une première épreuve qui était sur les Jeux Olympiques. Épreuve assez difficile quand même de la part de Daniel pour l'équipe adverse. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était si dure que ça personnellement. Non, mais pas si dure que ça parce qu'ils ont réussi l'équipe des boulangers à faire plus que la moyenne, 4 points sur 7. On a plus de mérite que vous. Ah. Oui. Non, si. Pas. Non, nous. Si, parce que dans l'autre, notre thème beaucoup plus dur. Que après, nous on avait un thème qu'on connaît très peu, qui sont. Non, que tu connais très. Non, mais moi aussi. Au niveau cinéma, je suis très doué. Il dit qu'il connaît très peu, c'est lui qui a trouvé quasiment toutes les réponses. Non. Parce qu'il regarde que des navets. Il a surtout trouvé la seule réponse que je savais pas, il la savait. C'était quoi ? Hollywood. Ah oui, Hollywood. Je le savais pas. Ouais, non, il nous a surtout Malik, donné des Bentala critiques. Aussi. C'est vrai, j'ai critiqué beaucoup les films. Et tu le connaissais pas celui-là. Nous avons remporté très largement. Non. C'était quoi, Malik Pardon. Bentala ? Il a fait quoi comme ça? Ouais, bon, on verra tout à l'heure. Balek. Nous avons remporté la deuxième épreuve haut la main. Puisque on peut s'arrêter là ou pas? Sans faute, cette chance. C'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là. Mais non. Non. Mais non, on a promis de durer encore un peu. Faut qu'on le fasse. J'aurais essayé. Donc, deuxième épreuve pour l'équipe des boulangers. Ouais. Avec un quiz que Kevin nous a préparé sur le. Foot. Football. Ouais. Sur le football. Alors, évidemment. Faut changer du sport. On va faire du sport. C'est ça. Ouais. Sans donner le mot. C'est ouais, qu'en c'est fait, ça. En fait, on avait. Non, ils sont non, pas père et fils pour c'est, rien. Hein. C'est qu'on pensait qu'étant père et fils, qu'on ne serait pas dans la même équipe. Donc, on avait prévu chacun un quiz de sport pour l'autre équipe. Ok. Ah ouais, Mais moi, je suis bien content mal. D'être dans votre équipe, les gars. Voilà, parce que le sport, c'est pas mon dada. Mais moi, je vous ai réservé, heureusement, une épreuve sur de la musique tout à l'heure. Donc, ça changera. T'es bien aimable. Heureusement que je suis dans ton équipe. Eugénie Audrey, vous êtes foot ou pas foot? Ah, mais. Ça dépend ce que c'est comme question. Toi, je sais que ton mec Eugénie, il est foot. Alors, moi, je suis fan de football. Ah, tu es fan aussi? Ah, oui. Ah non, tu es fan. D'accord. Mais pas du tout. Non, franchement, c'est des questions très simples. Non, c'est faux. Ouais. Il dit que de la c'est merde. Simple pour non. lui. Et Audrey, tu dis, toi, un peu foot? Bah ouais, ça dépend. C'est d'accord. Mitigé. Genre Coupe du Monde, Euro? Non, attends, ouais. non, c'est pas ça. Il y a un truc très simple à savoir si t'es fan de foot ou pas. Tu connais les règles du hors-jeu? Non. Oui, moi alors je non. connais. Bah alors moi c'est aussi. Je connais. Voilà, donc en fait tu peux moi, faire deux catégories compris. De gens. J'avoue, j'ai jamais compris cette histoire. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, on va s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. Bien sûr, vous allez vous en sortir. Donc cette question, à chaque fois trois propositions. J'irais presque les réponses doivent valoir 2 points. Ouais. Non, ne commence pas à tricher. Alors continue comme ça et ça va valoir 0,5. Voilà. C'est moi qui compte les points. On peut. On peut piquer ton ardoise aussi. On peut modifier. Alors, non, mais on connaît le score. Kevin, là. Je t'en prie, première question alors, sur le football. Première question très facile. Quelle est la dernière équipe à avoir gagné la Coupe du Monde? La Coupe du Monde. Putain, on en a parlé juste la avant. La Croatie, l'Allemagne ou la France? La Coupe du Monde, la dernière. Ouais, la dernière. Oui, la dernière. 2018. Ouais. La dernière Coupe du Monde. Ouais. 2018. Oui. Bah, c'est la dernière. Non, mais elle insiste, hein, la baisse. Non, on a battu les Croates. Oui, on a battu les Croates en demi-finale. T'es dit enfin. Oui, oui, c'est, ouais, c'est la France. Non, mais... Arrête, j'y connais rien. Bah, non, mais quand même. La France. J'allais dire c'est la Suisse. C'était la France. La France. Il était donné ce point. Même moi, je... alors j'ai pas suivi le match, mais je suis au courant qu'on avait gagné. Oui, c'est vrai, parce que c'est... tout le monde a gagné. Pour bah, Teddy, c'était pas demi-finale, c'était finale. Oui, c'était la finale contre la Croatie. Ah non. C'est non. Je m'en fous, j'ai raison. Ouais. Le résultat est le même, mais c'est pas pareil. Et on avait gagné 4-2. Ah, on les a fumés les Croates. Bah pas tant que ça, c'était moins que 3-0 à la Coupe du Monde 98. Ils ont été bons, j'ai suivi avec Barthez, Zidane. J'ai vu le match. D'ailleurs, ils sont plus là. Ouais, mais c'est sûr. Et par contre, il y a pas de question sur 98. Je prends les devants direct. C'est dommage. Parce que on dépend pour qui. Là, moi, on était champion du monde aussi. C'est oui, vrai bah évidemment. Bah 20 ans après. Bien sûr. Ouais. Cool. Donc, à combien de ballons d'or s'élève le duo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Ils sont pas un duo. Non, ils travaillent même pas dans la même équipe. Les deux joueurs, si tu préfères. Bah non, si tu cumules. Non. Ah, si tu cumules. 14. 12. Quoi? 14. Merde. 10. J'ai pas entendu le début de la question. À combien de ballons d'or s'élève le duo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Ils en ont combien à eux deux? 14, mais... 10 ou 11. Ça sert à rien d'avoir des ballons d'or. Moi, je peux me permettre. Ouais. Je crois que c'est 7 et 7. Donc ça ferait 14. Ils seraient à égalité? Je crois qu'ils ont chacun 7 et 7. C'est pour ça qu'ils se tirent un peu la moue. Ce serait intéressant. Non, moi j'aurais dit 12 de base, mais ouais, 7, ouais, je suis ton raisonnement. Audrey, tu dirais quoi toi? Bah, si c'est 7 et 7, ça fait 14, ouais. Le raisonnement est bon. Hein. Ouais. Donc 14, c'est votre dernier mot? Ouais, le plus élevé. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Et bah, c'est raté. Ah, c'est 11. Putain, je savais que c'était. C'est 11. 5 pour Cristiano Ronaldo et 6 pour Lionel Messi. Oh, c'était presque ça. Tu veux dire donc, que Cristiano Ronaldo a moins de ballons d'or que le reste de la terre entière? Non, que son rival argentin. Non, d'accord. Mais Par contre, moi, c'était le meilleur joueur au monde, Cristiano Ronaldo. Par contre, moi, je me suis toujours posé une question. Les ballons, ils sont vraiment en or? J'en ai jamais eu entre les mains, donc je pourrais pas te dire. J'espère bien, sinon c'est du vol. Mais bah, autrement, ouais. Quelle arnaque. C'est en pierrite. Le fort. Donc, question 3. Quelle sélection vient de remporter l'Euro? L'Italie, l'Angleterre ou la France? Je sais, on en a parlé juste avant. C'est l'Italie. Tout à fait. Ils ont gagné contre la Suisse. La réponse. Je crois. Je crois que c'était Angleterre, Italie à la fin et c'est les Italiens qui ont gagné. Ah ouais. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le mec essaye de donner des précisions, mais il connaît rien. La Suisse, c'est contre les Français. Ah ouais, c'est ça. En huitième de finale, voilà. J'aurais dit la même chose. À quelque chose près. Donc, sauf que t'as pas eu le temps de le dire avant. Donc l'Angleterre a perdu en finale contre l'Italie au penalty et la France a été éliminée en huitième par la. Au penalty, au tir au but, on dit des tirs au but. Ouais, tirs au but. Mais ouais. C'est pas une vraie victoire, ça. Oui. Bah, c'est mieux que sur un coup de tête. Ah oui, bien sûr qu'on a le point. Bien sûr, bah tiens. Donc, j'ai compté. Ça vous fait 2 points supplémentaires, on est d'accord. Oui, disons que par contre, t'as soulevé un bon truc. C'est pas une vraie victoire d'un point de vue sportif. Oui. C'est une victoire, c'est pour le gain du titre. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait des Français qui avaient gagné 4-2. Là, pour moi, c'est quand même une vraie victoire. Voilà. Alors que gagner au pénalty. Techniquement, on a gagné, mais bof. Ils ont joué mieux, les autres. C'est pour éviter de tirer sur tapis vert, de jeter les dés, de dire. Ça pourrait être marrant. Ouais, non, mais c'est ce qu'ils faisaient avant, c'était pile ou face ou je sais pas quoi. Bah, et franchement, c'est moins fatigant hein, de t'embêter à faire des prolongations, des tirs au but, des trucs. T'imagines autrement. Donc, parmi ces 3 clubs, qui a le plus gagné la Ligue des Champions? Le Real de Madrid, le Milan AC ou le Bayern de Munich? C'est 3 bonnes équipes, je crois. Hein. J'ai déjà entendu parler des 3. Ça, c'est dur. Ouais. C'est pas l'équipe d'Amboise, quoi. Non, ça c'est clair. Non, je suis déçu, elle est pas dans la liste, je croyais. Hein. Le FC Tours. Tu peux répéter. Real Madrid. Donc, ils ont déjà le Real de Madrid, le Milan AC ou le Bayern de Munich? Non, la A. C'est quoi, c'est quoi la question? Real Madrid. Qui a gagné le plus? Qui a le plus gagné de Ligue des Champions parmi ces 3 clubs? C'est le Real. Hein. C'est vrai qu'ils ont souvent la cote. C'est là où il y a Cristiano Ronaldo? Non, il est à la Juventus maintenant. D'accord. Il est parti du Real. Il a été au Real quand même. Mmh. Et c'est là où il y a Zinedine Attends, Zidane. Attends, un Portugais avec des Italiens. Oui. Mais oui. Non, mais il est parti aussi hein, du. Ça n'a aucun sens. Zidane vient de partir également du Real. Oui, ils sont tous partis du Real. Ils sont tous partis du Real. Real, vous êtes sûr? Oui. Ouais. C'est votre dernier mot? Oui. Je sais pas. Et bah, c'est eux avec 13 titres. J'en ai beaucoup. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Sur 14 compétitions. Et donc, derrière, on a le Milan AC qui est à 7 et le Bayern qui est à 6. Ah ouais, ils en sont loin quand même. Ouais. Ils sont pas prêts d'être détrônés. Non, surtout vu la forme du Milan AC actuellement. Bon, ouais, mais t'as dit qu'il y avait plus personne au Real Madrid. Il y a plus personne. Enfin, ils font toujours des bons parcours quand même. On s'en sort bien pour l'instant. Oui, c'est vrai. Il avait dit que c'était pas trop dur. 4 questions, 3 bonnes réponses. Et ça va peut-être se corser maintenant. Moi, il avait dit que c'était pas trop dur. Est-ce qu'on va corser le jeu? Non. Oui, là, ça peut déjà. Ah. D'accord. Tant mieux. Donc, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? Juste Fontaine. Quelle Coupe du Monde? Toute Coupe du Monde confondue. Le meilleur buteur de l'histoire. Donc, Juste Fontaine, Miroslav Klose, ou Ronaldo? Il s'appelle Juste Fontaine. Oui, Juste Fontaine. Ah bon, il a pas de prénom. Le 2? Non, je pense que c'est Ronaldo. Ouais, c'est pourquoi 2 alors? Non, j'ai dit 3, mais tu dois être. Ah, ouais, mais c'est que j'ai une barre. Je te vois en rire. Évidemment que c'est Cristiano Ronaldo. Donc. Ronaldo ou Cristiano Ronaldo, c'est Ronaldo. Attends, si Théo dit ça, c'est qu'il y a un problème. Ah, c'est Ronaldo, c'est pas forcément Cristiano Ronaldo. Bah non, je dirai après lequel c'est. Ouais, parce qu'il y a Ronaldo. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Ronaldo avec Zinedine Zidane. Mais du coup, la 3, ouais. Donc Ronaldo. Balek, ouais. Et bah c'est Ronaldo Nazario dont vous dites, mais ce n'est pas lui. Ah. Non, justement, je disais avant pour lequel c'était. Cool. Dis pas ça parce qu'une fois que le point est écrit, j'ai. C'est Miroslav Klose à 16 buts en 4 éditions. Ouais, mais t'as écorché son nom, du coup, je suis pas d'accord. Évidemment que tu le connaissais. Mais il s'était repris, hein. Justement, j'ai fait exprès de mettre que des personnes qui ont eu des records, notamment Juste Fontaine qui a le record en une seule édition de 13 buts. La vache. Oui. Il est français. Il était en forme, le mec. Hein. Oui, plutôt. Et justement, Ronaldo Nazario, qui est l'ancien détenteur du nombre de buts avec 15. D'accord. Et le Juste Fontaine, là, il a existé en quel siècle? C'est 1950, c'est ça la Coupe 58. Du Monde. Ouais, 58. C'était en Suède. C'était en Suède. C'est quand ils avaient le droit de mettre des coups de latte dans la gueule des gens. Ouais, la formule, il y avait beaucoup moins d'équipes. Et en plus, il n'y avait pas de formule de poule. Donc. Avec formule de poule et autant d'équipes que... affronter FC Tours contre... Voilà. Voilà. Il aurait peut-être mis 20 ou 30 buts. Sauf qu'à la Coupe du Monde, c'est compliqué d'affronter Tours. Ça dépend quelle Coupe du Monde. Oui, effectivement. En district 5, c'est possible. C'était à l'époque où il n'y avait pas de formule de poule. Et puis après, il n'y avait plus de formule de politesse non plus. Parce que quand Zidane a mis un coup de boule à Maserati, là, truc. C'était plus une formule de... C'était un juste retournement. Non, non, mais c'était plus une formule de poule. C'était un Materazzi. Materazzi, ouais, je confonds toujours avec les mêmes. Il le mérite. Non, mais on est passé d'une formule de poule à une formule de boule. D'accord. Voilà. Ça, c'était pour Zidane, ça, les boules. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est bien ce que Donc, ça, c'était la quatrième question. On a les la bouffons, non, ouais. Ah, c'était la cinquième déjà. Il est mauvais. Ils en ont gagné 4. Bah ouais. Ah, ça me fait peur. T'inquiète pas. On l'avait dit. 3 et 4. Alors non, ça fait 3 et 2, mais 3. Bon, ils sont mauvais. 3 et 2. Ouais. Donc... J'ai oublié d'écrire le petit point perdant. Bah oui, question c'est important. Quelle équipe a gagné la dernière Ligue des Champions de la CAF entre le Real de Madrid? De la CAF? Oui. C'est pas de la CAF. Pour avoir des droits. Non, non. Entre le Real de Madrid, Al Ahly et les Kaiser Kiev. Attends, vous tirez pas sa question. Ouais. Quelle équipe a gagné la dernière Ligue des Champions de la CAF entre le Real de Madrid, Al Ahly et les Kaiser Kiev? C'est quoi la coupe de la CAF, hein? Qu'est-ce que c'est? Explique-nous un peu. Alors, là, parce que... C'est la Ligue des Champions africaine. Ah bah oui. Alors là, on voit Teddy. Ah, ils ont une Ligue des Champions. Je ne savais pas qu'il y avait une Ligue des Champions. Non, c'est pas ça qui me chiffonne. Parce que ça, c'est normal qu'ils ont leur propre terrain. Mais Real Madrid, c'est en Espagne. Non, mais. Ouais, mais ils ont peut-être un club qui s'appelle également le Real de Madrid. Bah, c'est des bâtards. Si, il y a bien la Tour Eiffel à Las Vegas. Oui, mais c'est une mini. Tu peux répéter les propositions? Donc, le Real de Madrid, Al Ahly ou les Kaiser Kiev? J'aime bien les Kaiser Kiev. Je pense que c'est pas le Real. Ouais. Mais j'aime bien les Kaiser Kiev, ça sonne bien. Bah, moi, ça fait un peu. Kaiser Kiev, ouais. Kaiser. Ça fait un peu supermarché. Ouais. Ah, on retrouve certaines quand bienvenue, même. Bienvenue dans vos supermarchés. Le super Kaiser. Kaiser. Non, mais le deuxième, il fait plus. Badass. Non, mais il fait plus. Africain. Africain. Il est plus dans le thème, il est plus hardcore. C'est pas faux. C'est quoi le deuxième? C'est sûr que Real Madrid n'est pas du tout dans le. Ali. Ouais, si, c'est. Ouais, ça fait Aladdin. Mais justement, faites gaffe, c'est africain. Pas oui, mais tu vois, il dit ça, ça veut dire que c'est la bonne réponse. Ouais. C'est pas faux, t'as raison. Psychologie inversée. C'est ça. C'est ça. On s'est forcé vu que non, c'est un club saoudien. On a validé. On valide. Donc Al Ahly. Ouais. Et bah c'est ça. Voilà. Justement contre les Kaiser Kiev. Et le piège était effectivement le Real de Madrid, quel club espagnol. Ouais. On n'est pas cons, hein. Non, c'est vrai. Mais non, mais ils auraient pu, pour gagner un titre supplémentaire, aller jouer en Afrique. Bah non, ils ont pas le Comme droit. Ça aurait fait 14. Ouais. À moins qu'ils détachent l'Espagne de l'Europe. Mais du coup, le Portugal va avec eux, tu vois. Et ils sont Comment ça, le Portugal va avec eux? Rien à voir. Parce qu'ils dégagent. Rien à voir. Le Portugal, il reste en Europe. Je les aime pas. Oh, on va pas être copains. C'est déjà la dernière question. Parce que vous êtes copains. Et pour l'instant, vous êtes quasiment sans faute là, hein, sur, ouais. Sur, ah, 5, non, sur non, le prof de sont... foot. On a fait deux erreurs, mais c'est quasiment sans deux erreurs. Ouais, deux erreurs. Ouais, ouais, non, mais tu vas non, mais c'est pas si mal. Et donc, parmi cette liste de joueurs, lequel je préfère voir jouer entre Neymar, Lionel Messi ou Keisuke Honda? J'aime bien parce que... Alors c'est assez simple à choisir, c'est Keisuke Honda, parce que sinon tu l'aurais pas mis, et il est japonais, et tu as le maillot du Japon. Du coup c'est Keisuke Honda. Ok, on valide. Ah, bonne c'est réflexion. Ouais. Ouais, ouais. Et bah perdu. Ah, alors c'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. Parce que Neymar t'en as rien à foutre. Je suis désolé, non, ma théorie tombe. Et c'est justement. Vrai, que... non, mais c'est vrai qu'il avait le t-shirt Honda là. Ah ouais. C'est pour ça que je l'ai mis. Bah oui, mais à mon avis, c'est bien joué et c'est il s'est piège. Précipité dans le piège, t'es dit. Bravo. Donc, c'est tiré des déductions, justement, c'est de la lecture à froid. Parce que quand je jouais au foot, j'étais meneur de jeu aussi, donc j'orientais le jeu, j'aimais bien. Neymar, c'est pour le côté. Attends, on m'avait dit que t'avais deux pieds gauche. Sachant que je suis droitier. Il est pas gaucher, mais ah, si. C'est trop bon. Si, si justement, ouais. Ouais, donc il est gaucher, Neymar, mais si, justement. C'est plus pour le spectaculaire quand je le regarde. Et ouais, Honda, quand il tombe, ouais, c'est bien. J'ai déjà vu un top 10 des chutes de Neymar. Ah, c'est génial, regardez. Et Honda, et c'est pourquoi? La sa combativité. D'accord, ok. Il est combatif. Oui. Voilà. Il sort les bah, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Ouais. Il est japonais, on est oui. D'accord. Donc tu préfères voir. On l'a jamais vu. Alors pour le foot, Messi. Messi, ouais. Ok. Bon, bah, soit, hein. Ouais. Il était au PSG, lui, non? Non, non. Toujours au Barça. Non, il y a non. Pas lui. Ah non, non, c'est Neymar. C'est Neymar. Ah bah tu vois. Je... Par contre, pendant qu'on y est, parce que tu es fan de foot, enfin fan de footballeur, on va dire. Mm-hmm. T'as un joueur préféré, toi, ou d'équipe préférée? Oui. Vas-y. En France ou Je sais pas, il y a pas de différence. Cristiano Ronaldo. Non. Pas lui. Non. Enfin. Teddy. Vas-y, dis. Teddy. Teddy, je souffle. Je suis pas si moi, bon comme joueur. Moi, j'aime bien Varane. Varane. Oui. D'accord. Raphaël, un... de son petit prénom. C'était un. Il était au PSG, lui. Non, non, Real. Non plus. Non. Personne n'est bien tenté. Il a fait Lens, Real, et là il partirait pour United. Ok. Voilà. Ok. Varane. Je connais un patelin qui s'appelle Varane dans le sud. Enfin, pas, c'est pareil, c'est le même. Ouais. Bah, justement, ici, j'avais prévu Varane, le coup aussi. Dans la liste, j'ai pas mis mon joueur préféré au cas où si j'étais pas dans la même équipe que mon père. D'accord. D'accord. Allez, tu voulais. Audrey, voilà. Toi, t'as une équipe ou un joueur préféré? Non. Elle s'en fout. Calme dans le cœur. Tu as bien raison, parce que moi aussi je mens. Zim dim zim dam, comment? Non, ah, bah si, en fait, moi j'aime zim, bien les Gaules. Ouais, ah, je trouve que les Gaules ils ont la classe internationale. Buffon ou. Non, Lloris aussi, il est sympa. Hein. C'est le... Ah, c'est celui qui a laissé passer le but de la France, c'est ça? C'est possible. Ouais. Mais en même temps, Gaules, t'as bien plus de responsabilités que les autres. Oui. Tout se joue à toi au final. Parce bah, que... bah, il y a un moment donné, oui, tout est. Bah ouais. Oui. T'as beaucoup plus de responsabilités qu'un pauvre ailier. Bah non, comme quand t'es buteur, à un moment donné, t'as le ballon, faut pas que tu rates. Bah quand oui, tu mais tu, vois, je dirais plus les tu peux être défenseur et marquer aussi. Tu vois, moi je dirais vraiment les défenseurs. Plus. Ouais, mais tu vois pas. Les libéraux. Tu vois pas les libéraux. Quelque chose. Par exemple, regarde, c'est j'ai entendu parler de ça. Comment il s'appelle? Pourquoi celui... on débat de foot? Non, non, mais attends, c'est important. Celui qu'on mettait en avant lors de la dernière Coupe du Monde et qui s'est fait huer là, comment il s'appelle? Mbappé. Ah. Mbappé, voilà. Juste parce qu'il a raté un truc. Pas un. Il y a pas que ça, pas il a raté d'autres choses. Hein. Deux trois, mais je non, dire, il a raté d'autres choses. Hein. Il aurait raté été défenseur, on n'aurait pas forcément fait attention. Alors bah, que là, il était en première. Bah, ligne. Il aurait été défenseur les prochaines fois. Comme c'est ça, parce on que les gens plus. Cons, ils s'intéressent regarde aux gens qui marquent des buts, ils s'intéressent pas au reste. Moi, j'aurais bien aimé être footballeur pour être remplaçant. Mais genre, jamais remplacé. Chauffeur de banc. Ah oui, chauffeur de banc, exactement. Parce que t'es bien payé, mais sans jouer. Une fois, je me rappelle, on avait monté une équipe avec des copains. Et moi, j'étais dans l'équipe. Oui. J'étais le porteur de citron. Porteur de parce citron. Qu'il y avait des citrons à l'époque. Oui. Citrons. Ouais. Parce que on ça avait des l'énergie citrons. À la mi-temps. On avait des citrons, ouais. On avait que ça à manger. Des citrons à donner. Confits, on est d'accord. Voilà, c'est ouais. Ça. Et ben moi j'ai fait partie d'une équipe de rugby. La blague est finie. C'est mort. C'est mort. J'étais en primaire, j'avais pas le choix parce que c'est le prof qui avait décidé d'eux. Il a voulu tuer, non? Et moi j'ai voulu être hors, je crois. Je ouais. J'ai voulu être remplaçant mais sans jouer. Et j'ai réussi. Voilà, ça m'allait très bien. Il avait pas tort, non? Non mais c'est moi vraiment qui voulais. Oui, non, ne mais pas jouer, il a bien fait de te mettre pas sur le. Ah, bord. Mais je pense qu'il a tout à fait bien fait parce que sinon vous me verrez pas aujourd'hui. Il serait en fauteuil. Certainement. Bon, là il est juste en fauteuil, il n'y a pas. Donc là ça fait combien? Il roule le fauteuil. Ça fait 5 sur 7 alors, quand ça même. Ça fait 1, 2, 3. Non, ça fait 4 sur 7. Alors 4 sur 7. 4. Ça fait qu'on est à 8. Voilà. Oui. 8 points. 8-7. Contre mais nous, 7 points. Ouais. Maintenant, il vous reste encore mais des quiz à faire. On va prendre notre revanche dans un instant. Oui. On va écouter Tiffany Elvord avec la reprise de Taylor Swift. Voici You Need to Calm Down sur Indestar. Et dans un instant, on va se calmer, mais on va être au taquet quand même. L'équipe des gagnants pour la deuxième épreuve. Qui va concerner ça? C'est quoi la deuxième épreuve? Le quiz des animaux. Le quiz des animaux. D'accord, attention. On va jouer avec les animaux, sachant c'est que. C'est le moment. On a un spécialiste des animaux dans cette équipe, c'était dit, sauf qu'il est dans l'équipe adverse. C'est dommage. C'est pas c'est de lui qui va nous poser les questions. Restez à l'écoute. Dans un instant, 7 questions, 3 propositions à chaque fois. Vous allez pouvoir jouer avec nous. On continue la soirée ensemble sur Indestar dans cette émission de l'été. Indestar, là où tout commence. You need to calm down. Oui, on va se calmer, mais pas forcément finalement, parce que ça va être à nous de jouer. On rappelle le concept de cette émission sur Indestar. Si vous venez d'arriver, il y a deux équipes ce soir. Il y a l'équipe des boulangers. Avec, dans cette équipe des boulangers ou des boulangères, nous avons... Des boulangers. Oui, alors, des boulangères. Effectivement. Nous avons Teddy. Ouais. Teddy que vous connaissez. Mais nous avons aussi ce soir Audrey et nous avons Eugénie. Et pour l'instant, ils arrivent il s'est rappelé ton à bien jouer. Oui. Puisqu'ils ont fait deux épreuves qui ont été... assez difficile, j'avoue. Oui, c'est vrai, assez difficile. Mais bon, après, il y avait des questions plus faciles. Épreuve sur le foot, épreuve sur les Jeux Olympiques, épreuve sportive. De toute façon, quand on est mauvais, hein. Tout est difficile. On va pas faire tout. Tu nous aurais fait un quiz sur la boulangerie ce soir. Techniquement, on était bon. J'aurais dû faire ça, tiens. C'est vrai que de l'autre côté. J'ai hésité, hein. De moi, base, je voulais faire, mais j'avais pas trop. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais non, on abuse. De l'autre côté, on a l'équipe des gagnants. Avec ouais. Daniel, avec Kevin ouais. et avec Théo. Alors, et ouais. pour le moment, nous gagnant, avons fait. Plus pour longtemps. Ouais. Oui. Vous avez 7 sur 7. 7 sur 7. Non, mais c'était qu'un seul quiz. Sans faute. Qui était un quiz sur les acteurs de cinéma français. Les humoristes qui ont fait des films. Voilà, qui ont joué dans des films. Là, nous allons aller dans un registre complètement différent. La nature. La nature. Les animaux. Les humoristes qui ont fait la. Non, c'est pas les humoristes, pardon. Non, les petits écureuils. Avec un quiz qui a été préparé par Teddy et. Qui forcément va être pointu parce que Teddy adore les animaux. Bah, dommage, j'avais essayé de faire simple, mais du coup, je vais pas faire simple. Non. Donc, fais normal, ouais, complique pas les réponses. Du coup, si tu veux faire normal, on va parler des wombats. Bien sûr. Bien sûr, tu connais cet animal, évidemment, le wombat. Les wombats qui sont sur deux pattes et qui font wombat. Non, mais de toute façon, ils racontent toujours des bêtises, ces animaux. Quoi? Ils racontent toujours des bêtises. Non. C'est le wombatiment. Par contre, ils ont une particularité assez singulière. Quelle est cette d'après vous? Est-ce qu'ils ont que 4 dents? Est-ce qu'ils ont... Ça, c'est ils font des caca des cubes? Ou est-ce qu'ils ont 2 pattes écaillées? Des pattes écaillées? Ouais, un mammifère qui aurait des pattes écaillées. C'est pas un mammifère, c'est des pattes écaillées. C'est un wombat, si. Justement, c'est pour ça qu'il y a 2 pattes écaillées. Mais c'est pour ça que t'as dit 2 pattes, déjà. Mais comment tu sais qu'ils ont 2 pattes, d'abord, toi? Qu'est-ce que tu peux pas croire qu'ils en ont 3 ou 4? Mais parce qu'ils ont... Mais non. Ils ont 2 pattes ou que 2 pattes? Vous voyez ce que c'est au moins, wombat? Bah oui. Oui, bien sûr. Les filles, vous voyez ce que c'est au moins? Pas du tout. Non, mais ouais. Non, mais ils ont que 2 pattes ou ils ont 2 pattes parmi tant d'autres? Ils ont 2 pattes écaillées. Ils ont 2 pattes écaillées. Ah. Ouais. Ah. C'est quoi les propositions autres? Ils ont que 4 dents, ils font caca des cubes ou 2 pattes écaillées? Celle-là, je l'aime bien. Ah, ils font caca des cubes. T'imagines des Rubik's cubes? Non. Et est-ce qu'ils ont, ils auraient que 4 dents? Ça pourrait, hein. Ça se peut. Ah, j'hésite entre les la c'est première. C'est vrai qu'il et la est pas loin du, aussi, il est ça. Pas loin du mammifère rongeur, le wombat. C'est pour ça que 4 dents pour un rongeur, tu vois. Bah ouais. Ouais. Allez, vous avez 3 secondes parce que sinon ça dure un allez, peu trop de temps. On prend les pattes écaillées. Non. C'est vous qui jouez. Bon, allez, vas-y. Allez, les vas-y. Voilà. Allez. Okay. Confiance. Eh ben, c'est faux. Voilà, je vais vous fumer, je l'ai dit. C'était les dents. Il faut caca des cubes. Quoi? Le wombat, c'est la seule créature, c'est une créature australienne. Ils font caca des cubes. j'ai pas de photo de caca. Ah là là. C'est con, hein, mais c'est une créature assez impressionnante. J'aurais ça. Tout dit, non, mais... ça. Ça fait caca des cubes. Et non, ils ont 4 pattes et 4 pattes poilues. Et on a même pas une photo du moule, on a rien. Alors j'ai une photo, mais ça va pas servir à grand chose. Non, non, mais c'est pas grave. À la radio, si vous voulez, les photos, oui. C'est bof. Oui, c'est voilà. Donc, bon, elle passe à ta deuxième voilà. version. Regardez le wombat. Un point de perdu pour eux. Yes. Hop, ça commence bien. Ah, ça commence mal. Alors, on va parler. Bah, ça commence mal, encore plus pour toi. T'aimes pas les araignées, si je me rappelle non, bien Non, non. Ouais, et ben certaines araignées, figure-toi, ils portent des chapeaux ou des couvre-chefs, comme tu veux. Assez insolite d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'est peu commun. Déjà, une araignée avec un chapeau, bof. Oui. Mais d'après vous, c'est quoi qui porte sur la tête? Est-ce une goutte d'eau? Est-ce un socabé? Ou est-ce une feuille? Bonne chance, toi qui parles japonais, t'aurais pu le traduire. Allez, va chier maintenant. Ah non, mais il faut les défoncer, clairement. Faut les maraves. C'est une feuille. Marave. Ouais. En toute logique, c'est une feuille. Ouais. Et le sokabé, pas que c'était dit. C'est la feuille de l'araignée. Une goutte d'eau pour boire, tu vois. Non, non, non. Non, non, c'est la feuille. La goutte d'eau, c'est pas... C'est elle qui fait du bordel vase. Ouais, ouais. Je mettrai la feuille quand même, si je suis parti sur la feuille. Ouais. Ouais, Kevin, t'as vraiment pas le choix à la réponse. Bah, vous êtes dehors. Il aurait dit sokabé, tu vois, mais non, c'est une goutte d'eau. C'est une spécialité. Alors, je sais plus d'où est-ce qu'ils viennent, ces araignées-là. C'est les araignées sauteuses. Ouais. Elles ont la particularité de prendre des fois des gouttes d'eau sur leur tête. Oui. Ouais, on n'a pas aussi compris pourquoi encore. Moi aussi, j'ai la particularité d'en prendre des fois sur la tête. Hein, oui, bah quand il pleut, effectivement. Sauf que elle reste en goutte. Et pourtant, t'es pas spécial pour autant. Bah, ouais, hein. T'es pas une araignée sauteuse. Bon, alors, deux mauvaises réponses sur deux pour l'instant. Ça va mal, ça va on mal. On va changer de registre, on va aller dans ton registre. Théo. On s'en fout. Tu vas être content. On va on parler a fait musique. On s'en fout tout à l'heure, mais non, c'est pas attends, grave. Parlons musique en groupe, parlant d'animaux. Il y a un, ouais. Il y a un groupe qui s'appelle Adbeak. Adbeak. Ouais. Eightbeak. Oui. Eight et Beak. Eight ça comme eight le chiffre donc. Eight. Non, en anglais, non, eight comme détester. Détester, ouais. Et Beak comme B-E-A-K. Eight. C'est un groupe. D'accord. C'est un groupe de musique qui a pour particularité, comme chanteur principal, un perroquet gris du Congo. Oui. Qu'est-ce que c'est et que alors, cette perle? C'est quoi la proposition que... Bah d'après vous, c'est quoi son style musical à ce perroquet? Est-ce que d'après vous, il chante de la pop romantique? Est-ce qu'il chante... Ouais, c'est moi qui... comment dire? Ils avaient pas écrit le style musical, mais en écoutant, tu vois, c'est moi qui ai choisi. Ouais. Du hard metal ou du jazz? Ils sont perdus, ils nagent dans la smoule là, tu vois. En fait, ça c'est la vengeance. C'est la vengeance de JO, ouais, ça. J'hésite entre la pop romantique et le jazz. Et je me dis qu'il peut faire du jazz parce qu'il peut imiter les instruments de, tu sais, le par exemple. C'est vrai que tu connais bien les perroquets gris du Congo. Oui. Et il sait très bien imiter le saxophone. Attends, t'as dit quoi en proposition? Pop romantique. Ouais. Hard metal ou jazz? Alors en théorie, si c'est hard metal, la réponse n'est pas bonne parce que ça n'existe pas. Comment ça existe? Le hard metal n'existe pas. C'est le hard ou le metal? C'est pas faux. C'est le hard rock donc, ou si le metal? Voilà, c'est le hard rock ou le metal. Ah, donc si c'est ça la de réponse, toute façon, c'est pas c'est bon. Moi qui ai inventé les trois. Ah mais ça peut pas. Donc être... allez ça, vous faire foutre. Ça peut pas être ça. Le style n'existe pas. Bah si. Ah non. C'est du metal dur. Non. Non. Alors ça sachant pas que ce qui comme est le plus improvisé, c'est le jazz. Je mettrai le jazz. Ouais, moi aussi. Ouais. Le jazz. Jazz. Bah non, c'était hard metal, je m'en fous, mais ça existe non, pas. Ça existe et, en pas plus, existe et en plus, vous dites que ça existe pas, c'était non. Écrit hard metal alors. Mais non, fous, c'est le hard rock ou du metal, mais non. Pas du hard s'il metal. S'il y avait metal, il y avait hard. Non, donc c'est hard c'est metal. Pas c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je m'en fous, dans tous les cas, si vous voulez, j'ai un exemple à vous donner. Oui, bah c'est un mauvais. Allez, non, non, non, j'ai un exemple audio. Ah, oui, c'est un mauvais. Avec le perroquet, okay, vas-y. C'est horrible. C'est Space. Ouais. C'est horrible. C'est ouais. Du metal. Ça, c'est du metal. C'est pas du hard metal. Vous avez choisi jazz. Non, non, non, mais on était induits en erreur. Non. Non, non, là. Et, coupe ça, c'est horrible. Il n'y a plus personne qui va nous écouter. Non, alors sur Indestar, vous découvrez beaucoup de choses. Je dépose une réclamation. Mais pas du perroquet, s'il vous plaît. C'est moi l'arbitre, il n'y en a pas d'autre. Moi aussi, parce que nous, au moins, il n'y avait pas de faute dans l'énoncé. C'est vrai. Voilà. C'est pas grave, j'ai dit que c'est moi qui les ai inventés. C'est ouais. J'ai pas dit que ça existait, pop romantique ça existe pas comme style musical. Bon, c'est moi qui l'ai inventé. C'est pour ça, c'est pour ça que jazz ça existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Du jazz ça existe pas. Si, si, si. Ouais, j'avoue, le jazz. En théorie, donc il y avait que le jazz qui était valable en réponse. Bah non. Si, si. Non, c'est des mots que j'ai inventés. Bon, allez, on te laisse la réponse. On te laisse la réponse. J'ai dit que vous allez perdre, vous aurez 0 points. On est bon joueur de toute façon. On va voir si vous êtes bon joueur parce que ça, on en a parlé dans une autre émission. Mais de toute façon, nous on est sportifs, on s'en fout. Bah pas nous. Pour le coup, non. On en a parlé dans une émission où je parlais d'animaux, encore une fois, bizarrement, c'est souvent. Et donc, le cas. Ça change. Ça change, ouais. Mais j'en ai parlé de cette créature, un être vivant immortel. C'est lequel qu'on a découvert en premier. J'étais pas là, moi, pour cette émission. Est-ce une méduse? Est-ce un corail? Est-ce une bactérie? Et si t'étais là? Pas de bol. Ouais, ouais, mais. J'avais dit que je l'ai fumé, hein. Je me rappelle plus de la. C'est bien, c'est la bactérie. Vous avez prévenu, bah, la c'est, réponse. C'est une bactérie. C'est la bactérie, ouais. C'est la bactérie. Je vous laisse. Je crois si, qu'il si, est d'accord avec ça. Non, c'est une bactérie. Je sais plus, ouais. Mais ouais. Allez, non. Allons-y pour la bactérie. Non. Non. Non, c'est pas une bactérie, c'est une méduse. J'ai... Là, attendez. Je vais avoir du mal à la prononcer. La Turritopsis nutricula. C'est la seule méduse au monde. C'est le seul être vivant qu'on a découvert. Même. J'ai dit le premier, c'était pour vous induire en erreur. Mm. Mais c'est le seul truc qui est immortel en fait parce que. Comment dire. Il grandit, il est à l'étal de cellules, il grandit, il devient un polype et après il devient une méduse. Et je me rappelle et après, qu'on avait il recommence son cycle, il meurt et il recommence. Enfin, il meurt pas vraiment en fait. Ouais. Et c'est le seul truc immortel. Après, on avait vu des corails aussi, on en avait parlé qui duraient plus de 7000 ans et tout ouais. Ça. Et je me rappelle de. T'as aucune blob, bactérie qui est immortelle. Le blob, le. Je sais pas quoi, je croyais que c'est pas le blob. Le champignon. On en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. C'est pas immortel ça du tout. Non. Mais je me rappelle d'avoir parlé de ça et d'avoir parlé de méduse, mais je me rappelais plus si c'était la bonne ou la mauvaise réponse parce qu'on l'avait abordé. Mais je suis content de mon coup. Daniel est perplexe, mais. Oui, je suis très perplexe. Tu regarderas, il y a peut-être des bactéries, hein, mais en tout cas, c'est la méduse. C'est alors, j'avais pas mis en bactéries, je pensais que c'était classé dans les bactéries. La méduse Non, pas la méduse. Le champignon. Je sais plus comment il s'appelle, oui. Le... Mais si non, je crois que t'as raison, c'est le plop ou le blob. Ouais. Et... Mais c'est pas ça, mais c'est pas immortel. Mais je pensais qu'il était classé dans les bactéries. Si, il est immortel. Disons que ça va être compliqué à tuer, mais ça meurt tout seul. D'une maladie, n'importe quoi. Ça, tu peux pas le tuer. Oui, mais ça il y a se régénère. Bon, allez, bref, c'est pas grave. Enfin, bref. On va pas débattre. On va parler d'hippopotame. Ouais. Le lait d'hippopotame. Tu nous comptes les mauvaises réponses là ou... Oui, bon, c'est pas grave, je peux mettre les 7 traits directs. Le lait d'hippopotame a une particularité, il est d'une couleur différente du lait classique. Arrête, il a raison, c'est une de mes propositions. J'ai mis jaune, rose ou vert. On peut mettre rose, hein. Ça peut être marrant. Ça moi, peut pas être. J'aurais mis orange. Moi, de mémoire, j'aurais mis orange, moi. Donc la couleur. Entre les deux, lui, c'est entre jaune et rose, orange. Bah, ce qui se rapproche le plus, c'est le rose. Après, je vais vous aider, c'est pas très. C'est pas flagrant. Enfin, c'est pas flagrant. On s'y attend pas. Ah bah ça c'est sûr qu'on s'y attend pas. Ouais. Déjà que du lait blanc, enfin pas blanc. Merci Teddy pour cette. Mais de rien. Parce que je sais qu'il y a un animal qui a du lait orange. Ouais. Alors je pensais que c'était lui. C'est pas l'hippopotame. Moi je mettrais rose. T'en as même du bleu. Hein. En vrai ça m'est venu spontanément. Bon alors on va te faire confiance, on va mettre rose. Faut pas, mais. Ouais. C'est clair qu'il fallait pas. C'est mais jaune. Non c'est rose. Ah yes on magnifique a un point. Pourquoi vous avez suivi son instinct? Il est mauvais depuis le début. Bah ouais, mais là il marche. Non, ouais, non, ouais, mais là c'est... ça y est venu tout de suite. L'hippopotame donc... a du lait rose. Ouais. Et tu vois, je te l'ai dit sans proposition, on devrait avoir un point supplémentaire. Ouais, bah non. Non, je. Sixième question. Mm-hmm. Comment s'appelle le petit du lion et d'une tigresse? Bah, le petit mâle. Attention. Ah oui, je sais. Est-ce que c'est un ligre? Est-ce que c'est un tigron? Est-ce que ça existe pas? Un ligre. Un ligre pour Daniel. Ouais. Pour Kevin et Théo. Moi j'en sais rien. T'as l'air vachement sûr de toi. Tigron, ça sonne mieux, mais je vais te faire confiance, Daniel. Un ligre. Sur le ligre, c'est le croisement entre le lion et le tigre. D'accord. Donc le petit doit être le ligre. T'auras du mal à croiser un lion et un tigre. C'est un lion et une tigresse. Oui. À la rigueur, ça passe. Une tigresse, oui, pardon. c'est beaucoup plus simple c'est à croiser. Vrai, hein. C'est vrai que je crois que j'ai dit une connerie, là. Mais je crois qu'il a un point supplémentaire, parce qu'effectivement, les deux existent, hein, clairement. Ouais, le problème, c'est que, en fait, ça échange. Tu vois, un lion plus une tigresse égale un ligre. Oui. Un tigre plus une lionne égale un tigron. Un tigron. Et bah, tu vois, je préfère le tigron. Et ben. Trouve le bah nom je sais pas sympa. Mais va voir des photos au pire hein, si tu veux. Non mais je sais pas visuellement, mais en tout cas c'est un nom plus sympa. Si tu le dis. Voilà. Je préfère le ligre. Bon ça nous fait un deuxième point quand même cette histoire. Ça on fait un deuxième point. Restera pas bredouille sur cette épreuve. Il fait la tronche t'es dit. Je fais la tronche ouais. Mais bon on violent. Va finir avec une petite question où vous avez aucune chance de trouver ouais bon on s'en fout. On a déjà trouvé deux. On a une chance sur trois. Je suis né un 16 mai. Ça, vous le saviez. Peut-être pas. Non. Voilà. Alors, je suis né quand. Et c'est maintenant que tu nous dis ça. T'as pas porté un coup à boire ni rien. On n'est pas le 16 mai. Mais je m'en fous. Tu l'as pas fait à ce moment-là. On était en vacances. On n'est pas si loin. C'est pas faux. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est pas le 16 mai, c'est plutôt l'année 1995. Oui. Ouais, je suis vieux. Peu importe. Il y a un cerf dans un parc à côté de chez moi qui est né le même jour, la même année. Oui. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle Solo? Est-ce qu'il s'appelle Valérie? Giscard d'Estaing, je précise. C'est très important de comprendre pourquoi. Ouais. Ou Doudou? Solo? Valérie? Bah alors, ou Doudou? Pour moi, Doudou, ça me semble trop simple. Solo? Ça fait un peu. Ça fait Anne? Anne Solo. Ouais. C'est l'Anne Ils ont été des précurseurs, ils savent quoi inventer là. Ouais. Mais... Moi je dirais Valérie, c'est un homme hein. Enfin c'est un Valérie Giscard d'Estaing, c'est par rapport à lui. C'est un mâle, c'est un cerf, c'est un mâle. Ouais. Oui, c'est un mâle. Pourquoi ça serait par rapport à Valérie Giscard d'Estaing? Qu'est-ce que parce que mon père aime bien se foutre de la gueule des gens. Bah c'est avec lui. Je hein. jure, il y a même eu un cerf, il s'appelait Hollande parce qu'il avait un double menton. C'est salaud. Oh, non. Mais bon. Mais alors, pourquoi ça serait Solo par exemple et pourquoi ça serait Doudou? Ça fait trop. Ah non, bah, je non, pense pas que Doudou. Ouais, non mais oui, moi je pense à Valérie parce que il n'y aurait pas un foutage de gueule, ça. C'est vrai que Valérie ou Solo. Moi j'aurais dit solo, tu vois. J'aurais dit solo. Ah, ou solo, bah vous êtes pour solo, on va pour solo alors. Vous avez pensé trop. Lui il a rien dit encore. Attends. Non, c'est trop tard, vous avez validé. Non. On est entre solo et Valérie. Daniel qui a dit. Je sais pas parce que. Solo. Non mais attends. La pression. Solo ou Valérie? Attends. Il fait au hasard sur sa feuille. Sans déconner, il est en train de tirer la pipe. Allez, on a dit Valérie. T'as dit Valérie? Bah non, c'était Doudou. C'était Doudou. Ouais. C'est nul. Non, c'est pas nul. C'est nul. Doudou, il est né en même temps que moi. On a grandi ensemble. C'est nul, Doudou. Pourquoi? C'était ton Doudou? Non. Enfin, oui, il était doux, hein, au niveau des cornes. Au niveau ah, de je suis déçu en termes de créativité. Ouais, moi aussi. Ah ouais, là, il a... Alors, il là, a été créatif, mon père, parce que c'est mon père, il était le soigneur animalier, du coup, il donnait des noms aux animaux qu'il aimait bien. Ouais, bah, ça. Doudou, non. Bah, t'avais Doudou, le cerf, le gros mâle dominant, un énorme mâle dominant. Hein. Même celui qui l'a remplacé, il s'appelle Solo. Ah. Et c'est bien par rapport à Star Wars, hein. il était pas aussi imposant que ça. Hein. Il est énorme, Doudou, c'est pour ça que ça fait un joli contraste. Mais il est toujours vivant? Non, il est décédé en 2018, je crois. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ouais. Tu t'es senti un peu mourir. Ah oui. J'ai grandi avec. Ah ouais, non, mais je comprends. On peut se prendre d'affection pour un cerf. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est très mignon, un cerf. Ouais. J'aime bien les cerfs volants, moi. Ouais, mais c'est moins mignon. Ouais. C'est vrai. C'est dépend. Prof. Ce qui nous fait donc deux bonnes réponses seulement sur cette épreuve, 2 sur 7, c'est pas terrible. Ouais. Mais là, on en est à combien? Ouais, non, mais attends, non franchement, on avait trop d'avance, hein, fallait rééquilibrer. Vous avait... êtes à 9. Et vous? Eh ben, attends, si je me trompe pas, on est à 8. Hein. Ah. Ouais. Bah là, c'est plus équilibré. Là, c'est mieux. Là. C'est vrai, ouais, c'est comme ça. Non, parce que franchement, on s'en voulait d'être autant devant. Il va y avoir du sport. Là, tu vois, ils sont en train de pleurer parce qu'ils avaient 7 points, ils marquent 2 points. C'est vrai que là, on a été mauvais, mais en même temps, on s'y attendait. Nouvelle épreuve dans quelques instants, et ça va être à nous de la faire l'épreuve. Bah, ça va être à toi. Ah ouais, d'accord. C'est le blind test. Le blind test. Ok, et bah alors là, il y aura 14 propositions, mais vous ne gagnerez qu'un demi-point forcément à chaque bonne réponse pour que ça soit totalement équitable. Oui. Et en parlant de musique, il y en a déjà avant sur Indestar avec l'Isovola, Révolution, qu'on écoute maintenant sur Indestar, là où tout commençait dans cette émission des vacances avec de la musique à découvrir dans un instant pour la suite de notre grand quiz de l'été. De la musique en abondance. Indestar, là où tout commence. Jusqu'à tard dans la nuit. Non, pas trop tard non plus. On préserve votre sommeil et le mien. Ouais, mais pas mes oreilles apparemment. Mais par contre, en termes d'oreilles... Ah ouais, tu veux peut-être un peu moins fort dans ton casque. Ouais, alors parce que pour vous expliquer, pour le blind test, on a échangé nos places parce que c'est bien plus simple à Théo. Pour gérer. Sauf que je viens de prendre son casque, il vient de prendre le mien il entendait rien, moi j'entendais fois 3000 clairement. On n'a pas les mêmes oreilles malheureusement, c'est clair. Là je fais. Alors, on rappelle le principe de cette émission, émission de quiz en ce soir, on joue tous ensemble. On a d'un côté l'équipe des boulangers avec Audrey, Eugénie et Teddy, et de l'autre côté l'équipe des winners avec Daniel, avec Kevin, avec moi-même. Avec les winners qui ont marqué 2 points quand même. Je tiens tout de même à préciser qu'on avait tellement, on était tellement... Bon. Embêté d'être si loin devant qu'on a fait exprès de pas marquer de bien points. Sûr. Ça s'est senti. Oui. Il n'y a pas eu de blanc à chacune de mes questions. Non mais. Qui était ultra simple pourtant, mais. Non mais fallait pas se tromper, ne pas répondre la bonne réponse. C'est pas faux. Tu nous fais une Jolane. Ah. Mais en mieux. Jolane, pour ceux qui connaissent pas, mais bon, tout le monde le connaît. Mais... C'est une icône de la radio. C'est une icône des pertes au quiz. Alors, de la radio, je sais pas. Mais qui il est en vacances, souvent. Peut-être, qui nous écoute en ce moment. Ouais. On lui fait des bisous. Et tu perdras la prochaine fois quand tu reviendras. Pas forcément. Ouais. Alors là, dans ce blind test maintenant, puisque ça va être l'objet de la prochaine épreuve, dont vont jouer. Ça veut rien dire ça. Dont vont jouer. Dont vont jouer, non rien du tout. Que va. Faire, tu m'écoutes, tu m'aides pas. Mais on a pas envie. Hein. Bon, l'équipe des boulangers voilà. Va essayer de. Ils cherchaient vos prénoms en fait. Non, même pas, mais non, je sais très bien qu'il y a Eugénie et qu'il y a Audrey. Ah bon, bah je sais pas ce qu'ils cherchent. Déjà Gérard Gertrude maintenant. Donc il y a en tout 14 titres, alors je vais essayer de pas me planter parce que j'en avais prévu 19 à la base. Et on va en faire que 14 en sachant que chaque titre comportera un seul demi-point. Si, c'est déjà bien avez... un seul demi-point. Attention, le titre et l'artiste. Oh je veux les deux. Et alors... Non, il complique les choses. Mais non, pas du tout. C'était prévu comme ça, mais vous êtes trois à pouvoir répondre. Et alors, petite difficulté supplémentaire. Bon, moi, je suis pas d'accord. C'est un blind test reverse. C'est-à-dire que tous les titres que je vais passer. Alors, vous allez voir, c'est un blind test qui est relativement facile parce que la thématique, ce sont les titres, les tubes de l'été. Donc voilà, c'est forcément des choses que l'on a entendues. Alors il y a des vieux tubes de l'été, des tubes plus récents, etc. Mais la difficulté, c'est qu'ils sont, comment dire, inversés dans le sens. Il commence à l'envers. On entendra tout. Comme si on les rembobinait. En inversé, exactement. Comme si on avait une cassette que l'on rembobinait. Exactement. Mais par contre, je tiens à mettre une petite objection quand même. Non, je pense que Daniel et Kevin sont d'accord. Je pense que le nom de l'artiste ou que de la musique, oui, ça suffirait largement. Oui, non. Vous êtes vraiment des bâtards. Ouais. Fallait pas nous faire un questionnaire. Alors, si vraiment, sachant que j'ai 19 titres, si vraiment vous êtes en difficulté et que vous avez genre un point, tu vois, sur la totalité. Peut-être qu'il y aura un ou deux titres supplémentaires pour vous faire gagner un point et pour que la compétition continue. Mais parce que je connais les artistes, mais je connais pas de nom de musique. Mais oui, mais il y a deux mais difficultés. Vous êtes trois, ouais. Je rappelle. Moi, vous je êtes trouve trois. Que t'es pas obligé de rajouter un ou deux titres. Pour un, tu sais, pour un peu la compétition. Ouais, on s'en fout. On est compétiteurs. Non, c'est l'esprit sportif. Oui, c'est vrai. Vous avez l'esprit sportif de base. Donc vous pouvez très bien dire que l'artiste ou que le titre. C'est quoi ça, l'esprit sportif? Il y a un règlement. Il y a un règlement aussi. Alors si on tient au règlement, il aurait dû faire 7. Oui, mais là vous en avez 14, donc deux fois plus de possibilités de marquer. Attention. Non, ça vaut pas le même. Non. Ça vient au même. Ouais. Attention, première question, en reverse, donc c'est parti. C'est un tube de l'été, ça ? Ouais. C'est voyage, mais c'est qui voyage ? C'est Désirless. Oh là, ils ont le point. Hein. C'est un tube d'été, ça ? Bah évidemment. C'est un tube de merde, oui. C'est un tube de l'été. C'est un tube de vieux, ouais. Bah j'ai pas dit que c'était récent. Ouais. J'ai dit qu'il y avait toute époque. Ah bah ouais, il y a le même le Moyen-Âge. Attends, c'est pas si vieux, voyage. Je sais pas, j'ai pas connu. Fin des années 80. J'ai connu 1936. Ouais, c'est ça, voilà. Allez, disons 88, avant la lambada. Bon, ça fait un point pour l'équipe des boulangers. Non, 0,5. Ouais, 0,5, pardon. Bah, c'est vrai que. Un point. T'as bien fait de. Pourquoi t'as pas de rectifier ? Alors, on va y aller pour le deuxième titre. Après le premier, c'est logique. Ah, il y a dans l'équipe. Chihuahua, mais ouais. Je sais pas si c'est le titre ou les gens. Est-ce qu'on donnerait pas des 25 c'est des... pas Ozone ou je sais pas. Non, c'est pas Ozone. Alors Chihuahua, c'est le titre. Ouais. C'est le titre de la chanson. Ouais. On mais donne 20, 0, un quart de point. Rien du tout. Ouais. Rien du tout. Mais par qui alors Chihuahua? On peut pas le savoir. Bah si, évidemment que si. Bah non, c'est pas comme si je le connaissais. Bah Théo, il le sait bien, pourquoi tu le sais pas? Mais Théo, il connaît tout en musique, c'est la triche. Alors vous donnez votre langue au chat? Ouais. Je suis le chat. Je m'appelle c'est Félix. DJ Bobo avec Chihuahua. Ouais, d'accord. Grand tube de l'été de l'année 2003. Je m'en rappelle 25 encore. 25 demi-points. Non, zéro pour zéro. Ce titre. Mais c'est pas mal, vous aviez déjà Chihuahua. Moi je dis c'est de la triche. Complètement ouais, ouais. Ça a totalement triché. Ouais, en fait, il a rajouté cette règle quand il a vu qu'il perdait au. Oui, pas du tout. Attention. Appelez-nous si vous voulez réagir et dire que Théo triche. Troisième titre. Non, dites que c'était dit. Concentration, troisième titre. Ah, Oh, c'est un truc de vieux, ça aussi, putain. On va danser. Un truc du genre, là, ouais. Comment ? Gilbert Montagnier. Oui, on va c'est s'aimer. Non, c'est pas on va s'aimer. Bah, on va danser. Non, bah non. C'est pas on va s'aimer. Attends, on peut avoir un petit peu de. Ah, bah, on a un peu de temps, on a 1 minute 45, ça va. Peut-être pas, mais. Sous le soleil des tropiques, non ? Presque. Sous les sunlights des tropiques. Oui. Alors, allez. Théo, je tiens à déposer une plainte. Ils ont eu 5 ou 6 propositions quand même à chaque fois. Mais c'est pas au nombre de propositions qu'on compte. Alors quand la musique se termine. On a déjà assez de difficultés comme ça. Oui, c'est clair. Attendez. Non. Attendez. Là, j'étais gentil parce que vous aviez dit on va s'aimer. Ouais, mais on dit en fait non, on débat entre nous. Non. On débat entre nous. Parce que si vous débattez entre vous, la prochaine fois, je vous laisse dire. Et je vous dis, est-ce que c'est votre dernier mot ? Et vous me dites oui ou non. Bah voilà, bah tu dis ça. D'accord. C'est ta faute, t'as pas. Non, mais de toute façon, c'était pour vous prévenir que je ne serais pas aussi gentil. Oui, mais normalement, si je peux me dire quelque chose. Bien sûr, non. Il y avait 3 propositions dans les quiz. Là, on a 0 proposition. C'est clair, ça me blinde. Et qu'on a plus de difficultés en plus. Mais vous avez. Et on a double difficulté. Vous avez mieux, vous avez un indice là. Non ? Vous avez carrément la musique dessus. Mais non, c'est la question, c'est pas l'indice. La question et l'indice. Il essaie de nous bluffer. Oui. Mais de toute façon, c'est de la faute à Teddy. Il avait pas bien précisé d'abord au début le quiz dans cette question avec 3 réponses. Voilà, ouais, c'est vrai. Pas du tout précisé. Je suis étonné, Teddy, quand même, parce que tu es plutôt musique tu es plutôt de vieux. Bon. Fais chier. Non, mais c'est vrai, hein, faut avouer. Attention, question suivante. Ça sent le latino là. C'est pas Fonzi là? Non, pas Fonzi. Louis, c'est Despacito, ouais. Mais non, c'est pas Despacito, non, ça. Non, c'est pas Despacito, je pense. Pourquoi tu me regardes? Non, moi, regarde pas, bah, ça me stresse. Moi, j'attends, j'attends votre proposition. Votre on n'a rien validé. Il dit pas Despacito. Si, c'est ça. Comment on dit Despacito si. À l'envers? Si, il vient de le dire. Despacito, Luis ah. Fonsi. C'est votre dernier mot? Je suis, évidemment. C'est la bonne réponse. Hein. Bien joué. Par contre, tube de l'été. Ah, si. Ouais. Ah ouais, vous êtes pas fan, les filles? Si, ça va. Mais je suis pas d'accord sur le comptage des points, mais... Tu fais bien. Bon, en tout cas, ça vous fait un demi-point supplémentaire. Bravo, bah, on mesdames, est à 3 demi-points messieurs. Sur 4 pour le moment. C'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Alors, j'avoue que moi, je serais 0 sur 4. Hein. Ah ouais. Moi aussi. Ouais. Bon bah... Vous voyez que c'est dur. Bah, bah, que d'être dans ce... Non, mais je vais l'admettre, peut-être. Je suis très mauvais dans ce genre d'exercice. Bah, pareil. Moi, c'est pas du méchant. Je connais bien de merde. Je suis comme Théo en fait pour la musique. Je connais pas la musique. Par contre, je connais plein de merde. Comment ça? Bah, toi, au cinéma, tu ah oui, connais rien. Au cinéma, que... ouais. Ah oui, j'ai oublié le pas. Oui. Ouais. Autant pour moi. Attention, titre suivant. On va s'aimer. Non. Non. Ouais, bah, si tu y viens, oui, y'a pas de problème. Hein. Si, puis The Magic System, mais attends, c'est quoi? C'est pas Raled? Oui, c'est Magic System. C'est pas Raled. Ah non, Magic System. Mais attends, il a pas. C'est pas le featuring d'ailleurs? De toutes les manières, si on dit un des deux d'artistes, ça passe. Moi, je pense que c'est Shep Raled. C'est qui Shep Raled? Bah, c'est eux. C'est Raled? Oui. Ah, il s'appelle Shep? Ouais, Shep Raled. C'est voilà. Moche. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi Magic System et dedans. Si on va s'aimer. On va s'aimer, tu crois? Non, je suis pas sûr que c'est ça, on Magic va s'aimer. System. Ok, alors c'est Magic System. Ouais. Bah, ils sont plusieurs, ça c'est et sûr. C'est... Donc. Quel est le titre? On va danser. Ah non, non voilà. c'est Feelings Magic Music. Je sais pas comment on a appelé ça là. Ah oui, Magic c'est ça. In the Air, non oui, c'est Magic In the Air. Là. Ouais, un truc. Est-ce que si c'est à peu près juste, oui, bah c'est oui. La bonne réponse. Ah oui. Bien joué. Oh là là, ils sont forts. On va peut-être les fumer en fait. Ouais, peut-être. Mais c'est dur. Oh non, c'est facile. Si, vous avez on a beaucoup de mérite, mais c'est dur. Non, on a un demi point. Non, en non, moins. J'avoue qu'ils sont. C'est facile hein, pour eux. Hein, ils sont. J'y connais rien. Oui, mais que tu réponds quand même. Bah, hein. En bah vrai, oui, parce que j'en ai écouté de ces trucs. J'aurais pas été meilleur que Teddy parce que. Moi bah, j'aurais été parce moins qu'il bon. Il y a plein de. Si Raled t'aurais trouvé. Raled. Non, mais là c'est Magic System. C'est Magic System. Non, il y a Raled moi, aussi dedans. Oui, peut-être Raled, mais ils sont en featuring, j'ai vu le clip. D'accord, ah. Mais c'est parce que tu regardes les clips de merde. Moi je dois avouer qu'une fois dans le bon sens, oui, je reconnais. Ouais. On y va pour le titre suivant. Oh ça y est, boum boum, ouais, je sais pas ce que c'est mais par contre. Moi je sais pas comment ça s'appelle non plus. Ah, ah. Boum aïe. C'est qui le chanteur? Je connais pas le chanteur. Attends, ah. Peut-être d'en mettre un au hasard. Oui, vous pouvez. C'est quoi comme type de musique ça? C'est du rap ou... Alors, c'est pas pour mettre la pression mais je l'ai. C'est un rappeur ou... On ne dira rien. Par contre, on vous laisse 3 secondes. Ouais, non, il y a 3 minutes 33. Non, faut pas abuser. Ouais, vous avez pas le même compteur. On passe. Ouais. Bah, on passe. Allez. C'était Shaggy avec Mr Bombastic. Bien sûr qu'on le connaissait bien. Ouais, ils étaient deux, Shaggy et Mr. Au moins, j'ai reconnu la musique. C'est quoi le titre alors? La musique est emblématique. C'est Bombastic, ouais, dans les années 90. Mr Bombastic de Shaggy. Certes. Mais il y en a eu d'autres des tubes de Shaggy après. Hein. Je connais même pas son nom. It was me, Angel, tout ça c'était. L'Angel c'était moi. C'est un petit chanteur des. Angel. Mais non, il a une grosse voix comme ça, c'est oui, bah, Shaggy. Oui. Mais c'est un petit chanteur. Tu l'imites bien Théo. Ouais. Bon, allez, attention. C'est vrai qu'il est connu pour sa grosse voix. On reconnaît bien. Mais c'est difficile de chanter ça à l'envers. Ah chica chica oh. Qui est-ce qui a pu faire cette merde? Ça serait pas le même que le premier. Ça c'est réellement les tubes de l'été qui ont été conçus pour être des tubes de l'été hein. À l'origine ouais, bah, ça n'existait pas ces chansons là. Et Mais c'est marrant comme on la reconnaît vachement bien je trouve à l'envers. Ouais, ça marche à l'envers. Bien je crois que là j'ai reconnu. Ah oui, c'est ah bah chic. Et je crois que c'est le deuxième de la série des tubes vraiment conçus. Ouais. C'est toi, tu donnes des indices. Alors, non, mais de toute façon, ils savent pas. Est-ce que pas vous grave. Avez le titre et l'artiste? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bah, le titre, on le connaît, on le sait, mais on sait même pas le titre. Alors, je vais vous le donner titre, tout ça. Le titre, on le sait, mais on le sait pas. Bah ouais, exactement. En écoutant la bonne réponse. C'est presque la même chose. Hein. Alors, c'était Carapicho. Avec bien sûr. Chiqui Chiquita. Carapuce avec. Chiqui Chiquita. Allez, allez, l'Africa. Ouais, c'est bien. Ouais. Génial. On avait aucune chance de le trouver. Non, mais on y va pour le titre suivant. Ça nous fait. Il va nous falloir les musiques bonus, hein, clairement. Là, c'est ça. Ah, ça, c'est la lambada, ça. Ouais. C'est qui a fait lambada? Je peux pas la chanter, c'est pas j'y arriverai pas. Il y a plusieurs propositions. Je la connais, mais je sais pas comment. C'est quoi les plusieurs propositions? Ah bah, je vais pas les dire, mais vous avez plusieurs possibilités de réponse. Ouais, Corona. Non, pas encore. C'est... Non, non, oui, c'est. Non, mais il y avait une chanteuse qui s'appelait Corona. Ouais, mais ça c'était un peu plus tard. Je dirais. Dalida. Mais oui! C'est votre dernier mot? Mais oui. Eh bah non. C'était Kaoma. C'est pas loin. Ça fait. Ouais, c'est pas loin. En égyptien, ça se dit comme ça, David. C'était Kaoma ouais, avec la lambada. On n'a pas appris le même égyptien. Alors, la lambada, c'était en 1989. Ah, c'était le titre aussi, lambada. La lambada, ouais. Ah ouais. Ah, je savais pas. La lambada de Kaoma. Et en fait, cette chanson, c'est une reprise. C'est pour ça que j'ai dit que vous aviez plusieurs propositions. Parce qu'en fait, cette chanson, elle est sortie au début des années 80. On a le droit aux reprises. Avec un. Bah, ça, c'est une reprise. Non, mais toutes les vraies reprises, même celles de 2020, tu vois. Comment ça? Et eh bah, imagine qu'il y a une des musiques qui aurait été reprise en 2020, tu vois. Bah, à ce moment-là, elle porterait un titre et un artiste différent, ouais. Mais c'est pas ce que je vous demande. Là, sur la lambada, ça, c'est la version la plus connue de la lambada. Mais ouais. En fait, la version originale, c'est un hymne péruvien qui date du début des années 80. Ouais, ça sent le Pérou, ouais. Donc, si vous m'aviez. Si vous m'aviez donné ce titre-là, ça aurait compté aussi, quoi. J'ai reconnu c'est... tout de suite qu'il y avait l'accent péruvien, là. Bien sûr, bien sûr. Alors, attention, titre suivant, c'est parti. Chihuahua. Non, c'est pas Chihuahua. Non, c'est vrai que ça ressemble un peu. Ah, il fait ça comme ça dedans. Je te jure, il fait ça. Alors, il y a des têtes qui bougent. Je sais ce que c'est, mais. 1999. Une très bonne année au passage. Francky Vincent. C'est qui lui? Non, 99 ans. Enfin, remarque, ça aurait pu, mais c'est pas sa grande période. Vas-y, tu connais Kevin toi? Peut-être. 99, il connaît, oui. Ça dépend à quel mois. Ouais, c'est ça. Et alors, comment ça s'appelle ça? Est-ce que vous avez une proposition? Chihuahua. Encore. Non. Non. Je vous donne la réponse. Je crois que je l'ai. Moi, alors, je l'ai pas. Vas-y, Daniel. C'est pas Mambo No. 5? C'est Mambo No. 5, le titre. Je n'arrive pas à me rappeler. C'est Lou Béga. Ah ouais. Mais attendez, vous êtes plus jeune que nous. T'as quel âge, Audrey? 23. Et toi, Génie, 23 aussi? Ah ouais. Ah non, peut-être pas. T'es plus jeune encore, toi? J'ai 22. Ah ouais? Ah, t'es un jeune. Merci de la. De rien. Bon bah, ça ne vous fait pas de points supplémentaires. C'est dommage, vous aviez l'air, mais. Ah, mais moi je dis, on est trop jeune pour. Ni l'artiste. Ouais. C'est pour ça. Et bah là, vous allez devoir être encore. Si je connais, vous connaissez. Plus aguerri dans les vieux titres avec celui-là. Ah! C'est Dilla! Mais pour qui t'es passe? Ouais. De qui? Mais alors de qui? Mais alors de qui? Mais dès qu'on a un truc, on devrait avoir un livre. Allez, je vous la passe parce que c'était le bon titre. Hein. Et c'est qui? Mais c'est qui? C'est Jeannette! Qui? Jeannette! Non, mais Jeannette! Ça existe une personne. C'est la, bande originale du film Korea Korea. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous allez me trouver raciste, mais quelqu'un qui s'appelle Jeannette peut pas être chanteuse. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Jeannette avec portée qui est pas. T'es pas. Ouais. Bah, tu prends un pseudo, je m'en fous. On t'appelle pas Jeannette. C'est bien Jeannette. Non, il s'appelle pas Jeannette lui, je te confirme. tant qu'il dépasse. On y va pour le titre suivant. Alors là, c'est Francky Vincent. Avec ? Eh ben vas-y, dis le titre. Je l'ai pas. Bah, Fruit de la Passion. Ah oui, c'est ça qu'il dit à l'envers. C'est la bonne réponse. Eh mais attends, si on décompose ce qu'il dit à l'envers, on peut comprendre. Bah oui. Eh mais c'est pas con. Il vient de comprendre. Il vient de comprendre le principe du blind test. C'est bien, on est au 15ème titre. Ouais. Pas ouais. cassé, mais... Je pense que tu peux tous les faire. Hein. C'est bon. D'accord. Alors, on y va pour le titre suivant. C'est Michel Tello, ça. C'est Michel Tello, là. Ice et Tupego, ouais. Ah oui. C'est la bonne réponse. Ah, oh, c'est nul, mais bon. Ah, ou c'est Tupego. Lui, il a fait 2-3 musiques, il est mort. Ah, pour moi, il en a fait qu'une, mais bon. Ouais, mais tu sais, ils essayent de faire après, tu vois. Ils essayent de continuer un petit peu, mais bon, ils meurent quand même. Tu vois. Normal. Bah, musicalement parlant, en tout cas. Oui, oui. C'était portugais, ça. C'était un titre. Quoi ? En portugais. Ouais, ouais, non. Bah, il est brésilien, je crois, mais c'est ouais. en portugais. Ouais, mais c'est... non, c'est pas pareil. Non, mais tu les insultes, là. Oui, mais c'est chanté en portugais quand même. Mmh. Titre suivant. Ah, ah, bah non. S'il veut bien. Papi Chulio. Ouais. De qui ? Corona. Ah, c'est le petit bonhomme vert là. Ah non, ça c'est Crazy Frog. Non. Mais oui. On entend bien le Papi Chulio. Mais c'est qui fait ça ? Ouais, c'est ça. C'est vrai mais... que ça ressemble vraiment aussi là en version inverse. Ouais, c'est vrai. Mais carrément. Qui est-ce qui peut chanter ça? Une chanteuse. Ouais, une chanteuse. Jeannette. Une chanteuse qui a disparu aussi. Ouais. C'est pareil, cette chanteuse-là, j'en ai entendu parler juste pour ce titre et puis après, pff, plus rien. Jamais entendu parler. J'ai entendu la musique, mais. Vous donnez votre langue au chat. Bah, Papi Chulio, hein, voilà. Ouais, c'était Lorna. Ouais, non, mais d'accord. On peut pas connaître. Ouais, on a aucune chance. Même toi, tu connaissais pas, donc. Si. Non. Bah, Kevin, connaissait pas. Ah ça, mais moi, c'est en sorti, dehors du métal, de toute façon. Début des années 2000, je dirais 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ma foi. Du coup, je compte 25, 05, 25. Rien du tout. On est bientôt maintenant à l'avant-dernier titre que voici. C'est la Coupe du Monde ou tu me regardes comme si t'attendais quelque chose de moi et t'es bah, déçu. Bah ouais, j'attendais quelque chose de toi, ou pas, mais ou des filles. Ah, vous l'avez pas, c'est bien. Ah non. Bah si, c'est... Rikoun ? Ah non. J'ai envie de dire. J'ai cru que c'est la seule chose que tu peux attendre de moi. En tube de l'été, j'ai cru. Vous voulez que je vous la mette en version normale ? On aura peut-être plus de chance. Donc c'était Denzel Pump It Up avec Pump It Up. Ah ouais, bah à l'envers on la reconnaît pas du tout. Pump It Up de Denzel, ouais. Tu la connais sinon c'est là, t'as dit. Je la connais, ouais, j'ai déjà entendu, mais à l'envers on a aucune chose à reconnaître. Non, il l'avait pas entendu encore à l'envers. La reine à l'envers. Ça ouais. fait pas le non, Pump It Up. Dur, là. Ouais, c'est vrai qu'il est plus dur celui-là. Attention, c'est le dernier titre de notre sélection que voici maintenant. Obsession, non? C'est pas Kenza Farah? Non, c'est pas un truc du genre? Kenza Farah et non. Lucenzo? C'est une fille? Ah, y'a un mec, ouais. Ah, mais oui! Ça réfléchit, hein. Tu peux la mettre à l'endroit maintenant, du coup? C'est vrai qu'on peut la mettre à l'endroit, oui. Parce que c'est plus sympa à écouter quand même. C'est à l'endroit là? J'ai pas vu la différence. Non, moi non plus. C'est vrai que ça ressemble. Ouais. Alors, ça serait qui? Je sais pas. Audrey. Une proposition, Audrey. Eugénie. Corona. Ah, il m'énerve avec Corona. T'as pas mis de Corona? J'ai pas mis de Corona. Bordel, c'est Patrick Oishrendi. Bon, ça alors, peut pas être Lucenzo, c'est trop vieux. Je vous donne la Lucenzo. Réponse. C'était Adventura. Bien sûr. Adventura avec Obsession. Tu vois, j'allais le dire. Bon, alors ça fait combien là? Alors je sais pas. Si, ça vous fait 3 points. Ça vous fait 3 points. C'est pas mal quand même. C'est mieux que rien. Bah ouais. Ah, on a que 3 points. Bah, on a 6 bonnes réponses sur 19. Si ah oui, d'accord. Est-ce que je vous ferai un petit bonus là? Bah, ouais. Si t'en as un, ouais, hein, mais. Bien sûr que j'en ai un. Il va le chanter à la bouche. Qu'est-ce qu'on va... Non, non, non, mais j'en ai dans les propositions. Faut juste que je retrouve l'ordre. Qu'est-ce qu'on se ferait? Alors moi je propose Ah t'as pas fait 19 je propose là, une glace vanille fraise. Ouais. Hein, avec un allez ouais, votre glace. Je vous fais celle-là. Non mais il a dit qu'est-ce que je vous fais donc moi je commande oui, hein. Il commande, il commande. Oui, mais c'est logique. Est-ce que vous êtes prêts? Celle-là c'est le point bonus. Waouh. C'est Ricoun, saucisse Marie Estaboulée. C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été. Saucisse merguez saboulée. C'est le rosé. Alors, qu'on c'est vous explique l'été. Les filles. Parce que, et puis à la maison aussi, alors si vous êtes fidèle à une des stars, vous connaissez cette chanson parce qu'on l'a chantée. Mais sinon, vous êtes peu à la connaître. Ça n'a pas été un gros tube de l'été, clairement. Moi, je la connais. C'est un peu notre tube de l'été à une des stars depuis 2-3 ans. Ah. Où, en fait, on s'est pris d'affection pour un certain Ricoun qui est le chanteur de cette chanson. D'affection, on sait pas encore. À chaque fois que, à chaque fois que c'est l'été, et ben on chante c'est l'été. Saucisse, même quand c'est pas l'été, taboulé, etc. On peut chanter un peu là. Regarde, voilà. Ouais, même pas le couplet. Le refrain, non, ouais. Faut chanter le refrain. Il a le petit accent de sud qui va bien. Ouais. Carrément. Avec le saucisse merguez taboulé. Ça, c'est de la musique. C'est un peu Ricoun quoi. Et le deux qui là. C'est l'été, saucisse merguez saboulée. C'est l'été, c'est le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sormé. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Voilà, bon. Voilà, c'est bon. C'était le moment Henri Cohn. Si vous ne l'aviez plus dans la tête, eh bien... C'est l'été. Alors, il nous faut une autre bonus. Pourquoi? Parce que ça fait qu'un demi-point. Oh, mais c'était le point bonus pour le fun, ça. Ah bon, bah le point bonus, ok. Ah. Du coup, il nous faut un autre point bonus. Non. c'est bien. Les du coup, enfants, on a, je suis fiers de vous. On a été vachement constants. On a fait 4-4-4. Ouais, c'est vrai. Alors que 4-4-4. Nous, on a été très bons sur la première épreuve, beaucoup moins bons sur la deuxième. Bah ouais, non, mais on n'a pas voulu laisser trop d'écart. On va se rattraper. Ouais, mais vous, sur vous avez pas été constants. Épreuve. Vous avez fait 7-2. Ouais, mais justement. 7-2. Ouais, mais on aurait fait 7-7, ça serait déjà plié. Il y aurait pas de suspense. Ouais, mais vous... Alors, il y avait pas possibilité de faire 7-7 non plus. Si, parce qu'on savait. C'est tout. Vrai que la thuriotoptiliste Nutricula, c'était très facile. Ouais, non, mais. J'arrivais pas à le dire. C'est comme l'autre qui avait son caca carré, on le savait. Hein. Pourtant, celle-là, mais moi, je le savais, tu vois. Ouais, mais. Y'a que toi sur Terre. Ah ouais. Mais en même temps, c'est la seule créature à faire du caca carré. Hein. C'est les petites crottes un peu comme. À mon avis, la vérité. C'est lui qui a inventé, leur, comme tu disais, le Rubik's Cube. C'est possible en fait, tu peux les assembler, tu peux les colorer. Suffit que t'as un wombat malade. T'as un wombat où tu me donnes trop de fer et t'as un wombat normal, t'as trois couleurs. Ouais. C'est bon, tu c'est dégueulasse. Eugénie, non, c'est. Si, c'est Eugénie. Si, c'est Eugénie. Quel est le. C'est toi, Eugénie, c'est ça? Non, je me rappelle plus qui avait fait la première épreuve. Eugénie, quel est le. Non, mais un coup de rosé après les merguez, il de la plus, dernière hein. épreuve qui va nous permettre de nous départager. Le vrai prénom des stars. Le vrai prénom des Parce stars. Parce que. Non, bah, tu vois, c'est par exemple, je vais te donner un exemple. Quel est le prénom de Miu Miu? Miu Miu. Bah, c'est Miu. D'accord. C'est un Pokémon. Allez chercher midi à 14h. J'ai repiqué la blague, elle est pas de moi en fait, hein. Je l'ai repiqué. Hein. D'accord, ok. Certes. Ouais, je m'en serais douté. Bon, donc vous allez pouvoir suivre cette dernière épreuve dans subir un instant. Aussi, hein. On va voir, en sachant c'est nous qu'allons subir. On est à 12-9. D'accord, donc il nous suffirait de marquer de 3 points. Points pour égaliser et 4 points pour gagner. Donc faut que vous ayez la moyenne. Suspense. On aurait peut-être dû mettre un peu plus de 2 points tout à l'heure, finalement. On a été trop gentils. Non, mais suspense. Ouais. On attend 3 minutes. Non, mais on aurait mis 3 points. Qu'est-ce que t'aurais envie d'écouter, Teddy? Rien, je sais pas, j'aurais bien dit du Lindsey Sterling, mais c'est pas ça. Bah, on écoute du Lindsey Sterling. C'est vrai? Évidemment, sur Indestar. Ah, mais c'est cool! Des accords sonnent comme une évidence. Indestar, là où tout commence. Dernière ligne droite, les amis, vous êtes sur Indestar, c'est lundi soir et nous sommes en pleine compétition ce soir entre nos deux équipes, l'équipe des J'appelle boulangers plus une compète, hein. Avec Eugénie, avec Audrey et avec Teddy contre Daniel, Kevin et c'est moi-même, fini, Théo. Et pour le moment, c'est tout ah, non, peut non. se jouer ah, non, puisque non. vous êtes donc à une épreuve d'avance, donc ouais. vous avez forcément un petit peu d'avance au niveau des points, c'est mais ça. Vous êtes qu'à 12 points. Et on nous, est, alors, qu'à 12 points, c'est déjà bien. Vous 12 êtes points. À 12 points. Et vous êtes à 9, vous. Nous sommes à 9, sachant qu'il nous reste encore une épreuve. 7 réponses. Nous pouvons gagner 7 bonnes réponses. Sachant ouais. que la première des 3 épreuves que nous avons faites a été un sans faute et nous avions gagné 7 points. Donc on peut dire que si vous perdez, vous êtes vraiment très mauvais. Pourquoi? Bah parce que la première vous avez tout réussi parce qu'elle était facile et les deux autres vous êtes vraiment mauvais. Bah non, hein. Non, elle était pas facile. Ça n'a rien on à voir. On laisse gagner les invités. Ouais. On a l'esprit même sportif. Même si on perdait avec 9, si tu veux, on aurait une belle défaite parce qu'on serait pas si loin de la victoire. Alors non, parce que 7 x 7, 21, du coup t'as même pas la moyenne. 7 x 7, 21, bravo. 9 par rapport à 12. J'ai dit 7 x 7, 21. Ouais. En plus. Vous avez vu? Ouais, mais c'était bon calcul. On est qu'à 3 points de la victoire. Enfin, 4 points de la victoire. Et il nous suffit vous échapper d'un peu, mais... de 4 points pour remporter une nouvelle fois, une nouvelle année, je dirais, cette compétition. Mais je mondiale. Sais pas si on va être sympa, si on va les laisser gagner ou pas. Je sais pas encore. J'ai pas alors, choisi. On va pas du je tout. Je pense que c'est Eugénie qui va trancher de toute façon. Eugénie, c'est toi qui vas les faire perdre. Alors, donc, quelle est la thématique de ton épreuve, Eugénie, tu veux ressortir sans problème? T'inquiète pas, tu ressortiras sans problème. Je serai là pour toi. Alors, ce quiz s'intitule « Le vrai prénom des stars ». J'espère que t'as choisi des stars bien... Non, j'ai choisi des stars que normalement tout le monde connaît. Ouais. Françaises. Normalement. Françaises en française. Ouh, c'est dur ça, les noms français. C'est pas obligatoirement c'est facile. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien, Eugénie. Je suis fier de toi. On va juger de la difficulté de l'épreuve en la faisant. Je sens que tu vas être bien vu là au niveau de la boulange demain. Ah oui. T'auras un brownie. Bon. Eugénie, nous t'écoutons pour la première question. Nous sommes tous oui. Vous êtes prêts, les garçons? Ouais. De toute façon, même si on n'est pas prêt, on y va. Ouais, enfin là, la team des gagnants va devenir la team des losers. Alors, ça balance. Ouais, bah ça, c'est une question de point de vue. Hein. Mais on en reparle dans 3 minutes. Oui, voilà. Voilà. Alors, quel est le vrai prénom de Shaim? Elle a un vrai prénom. Réponse A. Réponse A. Alors, tous les noms de famille sont leurs vrais noms de famille. J'ai ouais, mais juste... Shaim, elle a pas de nom de famille. J'ai juste changé les prénoms. Ouais. Elle vient de le dire, elle a changé les prénoms. Eh bah oui, mais du coup, donc, Shaim. Est-ce qu'elle s'appelle Tamara Marthe, Aurore Marthe ou Julie Marthe? Bonne chance. À la place de Marthe, tu aurais pu mettre Smart. Théo, oui, il aurait été content. Plus, ça aurait été plus intelligent. T'auras ma Smart. Alors? Ah, il y a la pression avec le petit roulant de tambour, quoi. C'était quoi les propositions? Moi, je serais d'avis de prendre Tamara. Mais alors... C'était quoi les trucs? Un peu par Ben moi je trouve ça original, moi je prenais le plus original en fait. Ouais, Tamara. Ouais. Tamara sur scène. Ouais. Tu m'auras et puis voilà quoi. Ouais, et vous mangez ça avec du tarama. Voilà. Tamara. Je sens qu'on va se le pouffer dans la tronche, je suis là justement. C'est validé. On valide ou pas? Aïe, mes oreilles. Ouais, c'est vrai que ça fait un dingue. Il est en train de découvrir que j'avais des... Il nous distrait là par rapport au mais départ. Mais non, c'est des bruitages. Il essaie de découvrir des bruitages. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Bah déjà, c'était quoi les propositions? Il y avait Tamara, Julie et Aurore. Aurore. Parce que ça pourrait être les deux autres hein, en vrai, mais. Je vais tester quoi? Bah, ouais, ça pourrait, mais. Comme le nom est original, pourquoi pas le prénom? Sinon, franchement, si c'est un autre prénom, je vais être déçu. Bon, allez, Tamara. C'est la bonne réponse. Yo, yo, yo, yo! 3 points de la victoire et 2 points pour égaliser. Deuxième question. Ouais. Quel est le vrai prénom de Zazie? Oh merde. Parce que c'est pas le prénom, Zazie. Non. C'est Zazie. Zindam Zidam. C'est son pseudo de scène. Ouais. Alors, réponse A. Vous êtes prêts? Isabelle Marie-Anne de Truchis de Varennes. T'avais pas encore plus long par hasard? C'est le prénom, ça? C'est tout le prénom, ça? Parce que t'as demandé le prénom et tu donnes le nom en même temps. Oui, bah, je donne le nom, le prénom et le nom. Ouais. Donc, son nom de famille, c'est De Truchis de Varennes. Ouais. Voilà. Donc, c'est soit Isabelle Marie-Anne, soit Vanessa Camille, soit Paola Susanna. Il y a eu tellement de crois de mémoire que c'est Isabelle. Ouais, c'est Isa. Ouais. Isabelle. Mais attends, il y a quoi? Isa la boulangerie, on te fait des bisous. Oui, on lui fait des bisous. Attends, il y a quoi? Suzanne, Paola Susanna, Vanessa Camille ou Isabelle Marie-Anne? Ça pourrait être Isabelle Marie-Anne. Ça pourrait être tous. Non, mais j'avoue. Ouais. C'est pas Paola Susanna ou alors c'est avec la chanson Susanna. Ah, oh, le chrono. Il me semble. Arrête avec les bruitages. Je suis pas certain, il me semble que c'est Isabelle. On y va pour Isabelle, de toute façon, j'ai aucune certitude. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Mais je suis sûr qu'à 30%. Vous êtes deux, donc allez. Je suis sûr qu'à 30-40%, pas plus. Allez, allons-y, 40% c'est déjà pas mal. Eh ben, c'est la bonne réponse. Oui. C'était Isabelle, donc Isabelle a les yeux bleus et elle chante aussi Zen, soyons zen et nous sommes en toute zénitude puisque nous avons un point supplémentaire. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus qu'à Non, non, je dirais rien. 1 point d'égalité et 2 points de la victoire. Sinon, je t'en mets un coup d'assaut. Troisième question. Quel est le prénom de soprano? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Son nom de famille, c'est M. Rumbaba. Donc, son prénom, c'est Jordan M. Rumbaba, ou Karim M. Rumbaba, ou Saïd M. Rumbaba. Alors là, je sais pas. J'aurais dit Saïd. Et bah, moi aussi, intuitivement, j'aurais dit Saïd. Ouais, moi aussi. Bon, alors on y va pour Saïd. On est d'accord qu'on est sûr à 0,5%. Hein. Alors moi, j'aurais dit 0,0001%. Tu vois. Alors, allons-y pour Saïd. Mais vos pourcentages sont bons. Et nous égalisons. On a blague. Ah, c'est bon, ça. C'est très, très bon, Saïd, tout ça. Saïd, de ta faute, si on peut... Attends, il y a combien? La remonte à... La égalité. Une égalité parfaite. La remonte à date. Attends, comme bah oui. Oh non, mais en plus, c'est que du bonus là! J'ai essayé de faire du. On est sûr à 0,00! C'est vrai qu'on était pas sûr du tout, du tout! Hein. Bon alors, quatrième question. Ah, hey. Celle-là, elle est perdue. Alors, quel est le vrai prénom de Garou? Loup! Son nom de famille? Jean-Loup! Jean-Loup Garou! Son vrai prénom, c'est Garant. Son nom de famille, c'est Garant, pardon. Ah oui. Ouais, donc, ça... est-ce qu'il s'appelle Antoine Garant, Pierre Garant ou Frédéric Garant? Il a bien fait de changer de nom. C'est moche. Antoine Garant. Je trouve que c'est celui-là qui passe le mieux, moi, tu bah, vois. Antoine Garant, ça marche pas mal. Ouais. Ça s'appelle comment? Antoine Garant. Ouais. Est-ce que... Bah, j'hésite entre Antoine et Pierre, moi. T'imagines qu'il y a son Pierre fils... Pierre Garant, ça accroche, quand même. Ouais. Je sais que c'est... Il veut être un appart... Il veut un appartement, vous êtes le Garant. Ouais. Je mettais un petit coup de pression. Hein. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Pierre? Bah, Garant, je me range à la majorité, mais je suis pas certain. Nous non plus, hein. On fait Antoine Garant ou on fait Pierre Garant? On va faire Antoine. Allez, faisons Antoine. C'était Pierre. Vous êtes sauvé. J'étais pas certain. Ah ouais, non mais. C'est... On aurait pu mettre Pierre, mais. Ça, j'avais dit pas d'égalité quand même. Alors, cinquième question. Ouais. Quel est le prénom de Zaz? Merde, elle l'a pas déjà faite celle-là? Non. Ah non, c'était Zaz. C'est Zaz en verlan. Ça fait Zaz. Alors, Nathalie Geoffroy. Ouais, ça change quand même. Isabelle Geoffroy ou Véronique Geoffroy? Bisous à toi, comment... Véronique, c'était content aussi. Comment ça, j'ai froid? On devrait pas avoir de problème parce que Zaz, on l'a découverte sur Indestar. Alors, ça fait longtemps hein, maintenant. Mais, alors, t'as pas de problème, mais tu te rappelles pas de son prénom, Zaz. Mais non, parce qu'on l'a toujours appelé Zaz. Qui forcément. C'est, t'as dit Nathalie, Isabelle, Isabelle c'est Zaz, ou Véronique Naz, C'est que des vieux prénoms. Enfin, tu sais, des prénoms de personnes ouais. qui ont 50-60 ans. Mais ils ont bien raison hein, de pas assumer. Donc Véronique, Isabelle ou Nathalie. Nathalie. J'irai une... Nat. Nat. Ouais, salut Nat. Ça va Nat? Mais non, j'en sais rien. Alors, ça marche aussi. La logique avec Zaz, ça serait Isabelle. Isabelle, Zaz, ouais. comme ça, Zabelle. Zaza. En même temps, ça nous fait deux réponses Isabelle. Ah mais est-ce que ça peut pas être un piège justement? Bah justement. Faire comme s'il y en avait pas deux, mais il y en a deux. Qu'est-ce qu'on dit les t'as enfants? T'as dit par contre ta montre tu l'as mal réglée. Non s'arrête. Mais elle sonne toutes les minutes. Elle s'arrête. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Billy. Vous diriez Isabelle vous? Allez, oui oui mon cher je dirais non, personnellement oui. Isabelle. Bon. Bon alors Isabelle. On a perdu. C'est la bonne réponse. Bravo les garçons. Il y a eu de la triche dans son jeu là. On se ferait quand même les dernières réponses pour enfin les dernières questions quand même pour le fun. Oui. Pour la victoire. Alors. Une fois de plus. Le vrai prénom de Coluche. Michel. Bon bah voilà. C'est vrai que... Voilà, c'était Michel Gérard Joseph Colucci. Ouais. Ouais. J'aurais trouvé avec les propositions. Et le dernier, c'était le vrai prénom de Benabar. Benoît. Vincent Nicolini, Pierre Nicolini ou Bruno Nicolini. Ah non, il n'y a pas Benoît. C'est quoi? J'aurais mis Bruno. Si vous le trouvez pas, ça enlève 3 points. Bien sûr. Hein. Vincent, Pierre ou Bruno? Ah, j'hésite en... Ouais, Bruno, ouais. Ouais, Bruno. Bruno. C'était la bonne réponse. Oh là là. On est à... Putain, je me suis trompé que sur Pierre. Hein, ce n'est pas un cap, ce n'est pas un pic, c'est une péninsule. Yeah. Oui, mais c'est que du au pif. Hein. Ouais, c'est mais n'empêche que le au pif fonctionne. T'aurais pas un super applaudissement dans tes sons quand même? Bah non, j'en ai pas. Bizarrement, je le vois. Oh, c'est marrant. Je l'ai déjà fait celui-là. Ouais. Je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, mais on peut le remettre. On peut le remettre même en boucle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça nous fait une belle victoire tout ça. Une belle, je sais pas. Je sais pas si c'est une belle victoire. Non, elle est pas méritée. Oh, ouais. C'est quand même. Si, on est quand même à une belle victoire. Bah, en fait, d'une certaine manière, c'est moi qui ai gagné. Bah, bien sûr. Si on prend le monde à l'envers, oui. Non, parce que moi, j'aurai la chance de revoir Eugénie et Audrey. Pas vous. Pourquoi? Parce qu'ils viendront plus à Indestar. Gagné. Voilà. Alors, justement, les filles, est-ce que vous avez, malgré votre défaite, j'en suis désolé. Ouais, parce que vous n'avez pas été sympa, c'est comment sûr. Comment tu peux dire? Alors, vous avez perdu. Mais il faut revenir. Mais parce que oui, parce que l'important, c'est de participer voilà, dans la vie. Bien sûr. C'est ça. Vous avez raté le super lube de Jean oui, Gastaldi. Comme on est sportif, on va peut-être leur offrir. Tu sais, non, mais tu dirais les jeux, les chiffres et les lettres, où finalement, même si tu gagnes, tu gagnes un dictionnaire la route. Je suis désolé, c'est la ça. Voiture, il n'y avait pas la voiture en jeu ce soir. On n'avait pas de budget. Mais est-ce que ça vous a donné envie de revenir pour, bah ouais, c'est sympa. Voilà, pour une revanche par exemple sympa. C'est ouais. Vrai, vous avez aimé, bah, et... tant mieux. Ouais. Cool. Et puis elles ont même réussi à en caser, hein. Elles ont réussi à parler. Hein. Bah oui. Ouais. Et vos quiz étaient très bien, surtout ceux qu'on a gagnés. Ouais. Ils ont adoré vos quiz. Le mien c'était des points et données. Hein. C'est ça. Ouais. C'est vrai, bah, mais c'était pas gagné quand même. Tu leur as donné 7 points, mais bon après ils en ont mis 2. Hein. C'est vrai. Sans ça. Ouais. Après 6 ouais, ouais, mais ça, non, on aurait pu faire 7 hein, si j'avais pas cédé pour le Antoine, on aurait c'est fait 7. C'est vrai, ouais. On aurait pu, mais bon, voilà. Mais nous aussi, on aurait pu faire mieux. Hein. Oui, bah, oh, oui. Ouais, mais peut-être avez... la prochaine. Nous, on n'a pas voulu non plus. Hein. Voilà. Nous, on a été sympa avec vous, vous aménagez. Oui, bah ouais. Nous aussi, hein, on était qu'à 8-9 parce que sinon, on pouvait déjà être à 14-8. Hein. En tous les cas, c'est une belle victoire, mais l'important, c'est d'avoir passé une bonne soirée. Et j'espère que vous l'avez passé aussi cette soirée tout aussi bonne avec nous. Sachez que si vous avez loupé un bout et que vous voulez rejouer en famille, il y a Teddy. Le podcast. Et c'est quoi un podcast, Teddy? Oh, c'est... Pff, tu m'en poses des questions. C'est de la musique enregistrée. En fait, c'est A. L'émission, elle a été enregistrée. Ça, c'est ouais. La elle est disponible A. Sur internet, plus précisément sur indestar.fr oh, ouais. Ou alors sur votre plateforme de podcast préférée. Genre c'est ça, Spotify, vous avez une application de podcast Deezer. Et vous avez voilà. Forcément Indestar dessus. Je sais pas ce que c'est un podcast, mais c'est ça. Je vous sais cherchez émission unique et vous retrouvez cette émission de l'été et toutes les précédentes avec toutes les thématiques qu'on a abordées tout au long de l'année. Ouais. Donc, ça sera disponible dès demain. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. On vous donne pas la date pour le moment, mais vous allez parce suivre grâce déjà parce qu'on l'a pas et parce qu'en plus de toute façon vous allez checker ça sur Facebook et Insta. On est présent dessus, Indestar sur Facebook, Indestar Radio sur Insta. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. On a de la musique à vous faire découvrir, évidemment. Musique. On a toujours de la musique. Par exemple, le remix de Issues avec comment s'appelle-t-elle? Ibel. Issue. Bah oui. Issue. J'aurais bien dit issue quand même. Issue parce que c'est l'été, il fait chaud. Non, c'est issue de secours. Issue de secours aussi. Pourquoi pas. Donc on écoute Issues de Ibel sur Indestar la version remix et on vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. Ouais. Et à très bientôt les filles. Merci beaucoup d'être venues ce soir. Merci à vous. Vous avez peut-être une petite dédicace à faire. Une case dédiée allez, alors à la famille. Alors moi je fais une dédicace à ma sœur qui nous écoute. Comment s'appelle-t-elle elle la sœur? Elle s'appelle Capucine. Capucine, petit coucou à Capucine ouais. Qui nous voilà. Écoute. Coucou Capucine. Cool. Et merci beaucoup pour votre accueil les garçons. Bah avec grand plaisir. Oh. C'était très sympa. Ouais, c'est bien, elle a bien appris la leçon, c'est bien parlé. Hein. Non, c'était super sympa et merci pour tout. On reviendra. Non, c'est gentil, c'est gentil. Et Audrey, une dédicace? Bah ma famille. Ouais, voilà. Qui écoute j'ai aussi. J'ai personne qui m'écoute. Je ne sais pas. De bon, toute façon, pas, peut-être mais... le podcast, on sait pas. Je la ferai écouter. Contre, elle est obligée de revenir, hein, parce que Eugénie a dit on reviendra, donc elle ouais, est obligée de du revenir. Coup, je suis obligée de revenir aussi. Ouais. Elle a parlé au pluriel. C'est ouais. Exactement. Mais avec plaisir, merci. T'es vendeuse en boulangerie, t'as le droit de revenir. Oui, voilà. www.indestar.fr pour écouter cette émission et la suite des découvertes, et notamment celle de Ibel. Et puis il y a Jeff et Ned qui arrivent derrière. On vous souhaite une très bonne nuit, les amis. Ciao, ciao. Salut. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.